Hey, Toff, tu payes ton café? Ah non, non, là, je peux pas, j'ai pas de sous. Oh, t'es relou, t'as jamais un rond, là. Bon, Sandro, tu m'offres un café, toi? Non, je garde ma thune pour un Kit Kat. Mais quel goinfre. Jack, tu voudrais un café? Ah ouais, je veux bien, ouais, merci. Bah parfait, moi aussi, tu me prends un long sucré? Ouais, t'as des sous? Ah bah, tu m'invites, non? Bah, ouais. Si Dr House devait écouter une seule émission de radio, après vous ayez de la vicodine, allez-vous-en. Y a pas de doute. Y a pas de doute. Ce serait celle de Michael et sa bande de malades. Je veux mes pilules. Non. Michael. 21h minuit. Le remède le plus efficace à tous tes problèmes de santé mentale. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, j'espère que tout le monde va bien là. Avant-dernière émission de la semaine. Même si je vous cache pas que dans l'équipe, ça fait depuis mardi qu'on a l'impression d'être jeudi en fait. Ah, putain, j'avoue qu'elle est longue la semaine. Mais bon, c'est pas pour autant qu'on va vous bâcler l'émission de ce soir, rassurez-vous. On a encore du lourd jusqu'à minuit et pour une fois, Sandro va kiffer. Ah bon? Puisqu'on va parler de son groupe de rap préféré, NTM. Ah. Et voilà, exactement. Ouais, mais c'est un peu un terrain glissant avec Sandro. Parce qu'il repasse vite en mode 9-3 quand on critique NTM. Ah bah écoute, j'y suis pour rien moi, c'est la faute de Nico ça. Bah oui, non, mais j'y peux rien moi non plus moi. Ouais bah je sais, mais bon, alors je vous explique en ce gros. Ce que je kiffe, c'est de fumer des spliffs et de construire un beat qui soit compétitif. Ok, bon, elle est à fond dans le For My People là. Voilà, c'est ça. Bon, donc je recommence. Donc je disais donc que ce matin, Cool Chain était l'invité de Nikos dans le 6-9. Wesh ma gueule, on a représenté le terre-terre. Ça fait bizarre Nikos de t'entendre en mode banlieusard là. Attends Lou, tu connais bien qu'un grec pour représenter la banlieue. Ouais, c'est pas faux, ouais. Bon bref, donc ce matin dans le 6-9, Cool Chain a un peu balancé sur les Marseillais d'Ayam. Mais genre, il se prend pour qui lui? Attends, bah, il attaque Ayam, franchement. Voilà, exactement. C'est pas parce que c'est un Parisien. Non, que, mais attends, il a pas attaqué, il a juste fait une petite vanne. Voilà, voilà, voilà. Donc je pense que vous avez compris que dans l'équipe, on a des fans d'Ayam et d'autres d'NTM. Pas du tout, je ne suis pas fan d'Ayam, c'est au-delà de fan. C'est ça. Du coup, on va. Du coup, il va y avoir du clash tout à l'heure dans l'émission. On vous passera le petit tacle de Cool Chain tout à l'heure et puis on va prendre votre avis également. Donc si vous êtes plutôt IAM ou plutôt NTM, venez nous le dire au 0800 70 42 48 ou alors par SMS 612, débuté le message par NRJ. Voilà. C'est ouf quand même, ça fait des années et ils se prennent encore la tête. Bah oui, mais c'est ça, c'est n'importe quoi. Ça fait des années déjà que tout aurait dû péter. Allez, c'est bon Sandro, on a compris, calme-toi, tout va bien. Surtout que je pense que tu vas encore plus t'énerver par rapport au deuxième sujet qu'on va aborder dans l'émission. Ah bon? Eh oui, Rihanna qui est de retour, hein, tout d'abord avec un nouveau titre que vous pouvez d'ailleurs entendre sur Energy, c'est Russian Roulette. Ouais, il y a le prochain single qui a déjà été piraté sur internet. Oui, bah falloir qu'ils s'y habituent à ça, les chanteurs, hein, c'est piraté. Hein. Bon, et donc Rihanna est aussi de retour dans les médias avec notamment une interview en deux parties dans laquelle elle revient sur l'embrouille avec Chris Brown. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure, il y avait la première partie aujourd'hui et demain il y aura la deuxième. Ouais, effectivement, tout à fait, ouais. Donc elle dit quoi Bah j'en sais rien, je parle pas anglais, hein. D'accord. Il y avait pas de sous-titres. D'accord, eh bien parfait. Bon, et pour toi et pour tous les gens comme toi justement, les Mexicains ont aussi regardé cette émission et ils vous donneront la traduction des meilleurs moments tout à l'heure dans l'émission. D'ailleurs, on sera les premiers en France à vous en proposer une traduction. Ah, hein. Donc, on fera pas un grand coup là. Ah, donc, oui. Voilà. Bon, comme Chris Brown. Tiens d'ailleurs, vous avez remarqué Chris Brown là, ça sonne quand même pas mal comme nom. Bah, comme la plupart des noms américains quoi, ça a toujours plus de style. Ouais. Sauf que si tu te traduis en français, ça te donne un nom qui pue la merde, genre Christophe Brun. Ouais. Christophe Brun, ouais, c'est vraiment tout pourri comme nom. Mais c'est comme sûr, si tu prononces son vrai nom à l'américaine, ça va, ça donne. Raymond Usher. Usher, exactement, ouais, c'est vrai. Bon, enfin bon. Et en français, c'est Raymond Usher. Hein. Voilà. Oui, bah, ça le fait moi tout de suite, hein, je vous le disais. Hein. Bon, au programme ce soir, mais c'est pas sûr, hein, comme tous les jeudis, l'expression du jour. Ah. Hein, ce soir, je peux vous dire qu'on va douiller. Hein. Ah, c'est quoi encore? Je garde la surprise, je garde le suspense. Voilà, oh. Bon, je vous rappelle, donc toutes les semaines, on prend une expression au hasard et puis on vérifie si elle fonctionne ou pas. On a donc marché sur des œufs, on a tourné autour du pot, on est tombé dans les pommes, on a eu des coups de pompe et je vous invite donc à mater tout ça, bien sûr, sur mikl.fm. Et surtout, tourner autour du pot, la partie où Mike se claque bien, oui, la tronche par ça terre. Ça va, ça arrive à tout le monde. Hein. Oui, bon, non, oui, non. Si, ça arrive à tout le monde. Non. Si, ça arrive à tout le monde. De tomber, oui, mais de vérifier une expression. Tu veux qu'on joue au jeu de la douleur? Non, ça va. Bon, très c'est bien. C'est quoi une expression, ça? C'est pas le jour. C'est pas grave. Bon, allez, on va se faire péter le répondeur maintenant. Tous les messages que vous nous avez laissés au 01 40 71 3400. Le plus original repart, comme d'habitude, avec un cadeau. On écoute ça tout de suite. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Oui, bonsoir Mickaël, bonsoir à toute l'équipe, Sandro, bah, Sandro aussi je te kiffe. Ouais, c'est juste pour faire un coup de gueule sur la taxe carbone. Là. Donc voilà, en fait on nous impose des voitures, voilà, et puis après il faut aller à la pompe, c'est nous qu'on doit payer. Pourquoi c'est pas aux constructeurs de payer? Voilà, bah, je vous écoute tous les soirs, hein. Allez, à la prochaine, ciao. Fin du message. Message suivant. C'était juste pour répondre au roux qui hier me posait la question si mon étudiant, ils avaient le droit de me garder une journée avant la reprise. Donc oui, hein, je me suis fait chier toute la journée alors qu'il est super beau dehors. En plus, le surveillant, il était à fond pour l'OM. Alors oh, putain, on a gagné 6-1. Oh là là, j'en peux plus. Pff, ça m'a saoulé toute la journée. Fin du message. Message suivant. Ouais, c'est pour dire que Sandro arrête pas de dire qu'elle aime pas le foot. Mais pourtant, c'est une très bonne joueuse de foot, hein, Oli. Bah oui. Oui, Sandro Lopez. Ah, ah. Fin du message. Message suivant. Tu vas faire un tour. Ça, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui répond. Fin du message. Message suivant. Salut à tous, nous sommes le jeudi 7 novembre et... Bon, je vais pas faire semblant d'être contente, hein. Tout le monde a repris les cours, c'est chiant, j'en ai marre, les profs sont cons, la nourriture est dégueu, le temps est pourri, j'en ai marre, je suis reparti pour cette semaine de déprime et de devoirs, et bon, ben j'en ai marre, voilà, je suis déprimée. Mais bon, ce qui me sauve, c'est que je me dis que dans cette semaine, on est de nouveau en vacances. Ah. J'ai mon 49, salut à tous. Ils décomptent les jours. À mon avis, ils doivent avoir ça sur leur bureau. Là, ils doivent mettre des petites barres. Calendrier. Non, ils le marquent. Tu rigoles, mais moi je l'avais. Hein, l'avais. Oui, bah toi, ça m'étonne pas. Ouais. Si, j'avais noté en fait tous les jours on avait cours et puis je décomptais, je les barres. Oh là là là là là là là. C'est comme ça que je sais qu'il y en avait 200, 212, un truc comme ça. Bon, ah, seulement. Oui. Enfin, seulement. Non, qu'est-ce que je raconte, 170 jours. Ah, c'est encore pire. Ouais, 170 jours de cours. Donc c'est 170. Donc c'est même pas la moitié. Ça voudrait dire qu'il y a plus de jours de congé que de jours d'école. Bah, ça doit être l'inverse. Quand tu calcules, ça va vite. Hein. Non, c'est ça, ouais, 170 jours de cours. Deux semaines, une semaine, les jours fériés, les 2 mois et demi de vacances. Bah, ouais, ça va vite. Hein. Ouais, plus de jours de congé que de jours de vacances. Mais si, avec les week-ends, Jack, et les jours fériés. T'es en France, c'est vrai, je le rappelle. Hein. Si, ouais, avec les week-ends et tout. Ouais, bah c'est clair. Hein. Putain. Ouais, t'as déjà 60 jours de grandes vacances, puis après t'as encore toutes les petites vacances, 11 jours fériés. Ouais, c'est clair, ça avance vite. Hein. Bon, ça va, donc on va pas vous plaindre non plus. Hein. Hein, ouais. On va pas non plus en verser une petite larme. J'aime bien le Micha, il y a le téléphone qui sonne. Ouais, personne qui répond. Micha, on fait gagner celui-là. Ouais, mais pourtant on est deux, donc je comprends pas. Écoute. Figure-toi que j'ai la même sur son collègue maintenant. Non, pas du tout. Mais qui n'est jamais que stagiaire, qui est là à la base pour apprendre, pas pour faire le boulot de Micha. Hein. que ce soit clair. Hein. Ouais, mais en fait, il fait un très bon stage, mais en torréfaction. C'est-à-dire préparer le café. Ah oui, ça, il est ça. Très bon. Ah ouais. D'ailleurs, c'est tiens. Ça, ouais. C'est ça. Bon, donc pas mal de cadeaux aussi à gagner ce soir. Il y a des lecteurs DVD portables, il y a des caméras numériques. Il y a toujours aussi à l'occasion de la sortie depuis hier de la loi de Murphy au ciné avec Omar et Fred et Jonathan Lambert, des lecteurs multimédia Dane Elec Music Touch. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ah, rien. Oui, t'arrêtes. Mais non, mais je pensais que quelqu'un allait dire quelque chose derrière ou quoi. Non, pas de cadeaux, on va avoir des problèmes. Et puis on a des compiles aussi, Energy Dance, à vous filer toute la soirée, voilà. Et puis bon, on fera ça dans le chéri, je t'ai fait cocu, si vous voulez vous inscrire ce soir, 6-11-12. Débutez le message par Energy, puis vous mettez cocu avec votre numéro de téléphone. On fera ça aussi dans le QPR, le jeu des amis, bref, il n'y a pas de problème. Et puis au niveau des sons, alors là j'ai une galère. J'ai une galère sans vraiment avoir une galère, c'est que je me faisais chier hier soir après l'émission, donc j'ai été regarder sur des sites, etc. Et j'ai une blinde de sons, de nouveaux sons Rock US, c'est-à-dire que j'aurais pas assez de la semaine... Et la semaine prochaine pour tout passer. Donc, génial. Que je fasse un tri, quoi. Je te rappelle que tu as promis à Madine Alec hier. Oh putain. Voilà. C'est vrai. Ça, c'est fait. Je tenais à te rappeler. Non, mais t'as bien fait, ouais. Bon, ben, on va le mettre tout à l'heure, Madine Alec et un nouveau son Rock US, donc. Et puis, on mettra aussi, qu'est-ce qu'on va mettre? Lily Allen aussi. Il y aura Junior Caldera. Il y aura Tokyo Hotel. Il y aura aussi David Guetta juste après la pub avec Sexy Beach. Ah oui. Et avant la pub, je tiens à signaler, donc, que Koé nous doit manger. Non, c'est vrai. Il est venu lundi. Il nous l'a dit. J'attends juste qu'il nous rappelle. Je vais donner ma carte. Il a mon numéro. Il n'a aucune excuse pour ne pas nous joindre. Donc voilà. Koé nous doit manger, le message est passé, j'ai oublié de le dire hier et en fin d'émission. Ah, bah, heureusement, faut le dire deux fois aujourd'hui. Non mais je l'ai dit deux fois hier malgré tout. Bon, mais donc voilà, rappelez-le moi quand même avant la fin d'émission que je rappelle bien sûr cette information qui est malgré tout très important. Voilà. Autre chose importante, sinon on va mourir de faim. Autre chose importante, vite fait avant d'envoyer la pause. Lille s'est incliné 2-3. Alors c'est dommage parce qu'ils avaient égalisé aux dernières minutes, mais l'autre équipe, Genoa, l'a vraiment à la dernière seconde a remis un but. Anderlecht a gagné également. Ce soir, il y a Toulouse qui joue contre le Shakhtar Donetsk. Exactement, ouais. Et puis 0-0. Exactement, 0-0. Et puis bon, on suit tout ça, bien sûr, en direct comme tous les soirs. Voilà. Et puis on revient dans quelques instants. Bougez pas, David Guetta, comme promis, ce sera Sexy Beach. Bouge pas, bouge pas. Sandro part terminer son brownie chocolat banane. Et Mickaël revient juste après ça. C'était David Guetta avec Sexy Beach à l'instant sur NRG. Et on est là comme tous les soirs, 21h minuit. Vous lâchez vos messages comme d'habitude sur le www.mikl.fm. C'est l'adresse du site. D'ailleurs, on salue ceux qui sont sur le chat là. Il y a du monde comme chaque soir. Il y a Léna, il y a Corentin, Sébastien, Marie, il y a Gaïa aussi, il y a Mayanne, Richard, Manon, ML, il y a Vincent aussi. Bref, les autres, hein, si vous voulez les rejoindre, ça se passe donc sur mikl.fm. Ça fonctionne aussi par SMS au 612. Débutez votre message aussi par énergie. Et puis, on parlera avec vous dans quelques instants, notamment de ce gros battle NTM IAM dans quelques instants. Avant ça, il est l'heure, 21h20 et 30 secondes. L'heure de passer maintenant au Fougité avec deux grands reporters, Leroux et Sandro. Nous sommes en novembre 2009. Bonsoir à tous. Politique. Attaqué de toutes parts, Barack Obama rappelle qu'il a hérité des problèmes de bouche. Bah, suffit de prendre de l'extril. Hein, Monde. Les autorités israéliennes ont annoncé la saisie d'une centaine d'armes, mais la question reste en suspens. À qui était-elle destinée? Sachez pas, mais recyclage oblige. Les munitions seront maintenant destinées aux Palestiniens. Et monde toujours. Élection présidentielle en Afghanistan. Le candidat Abdullah jette l'éponge. Il aura quand même pu finir à vaisselle. Société. Retour du CV anonyme. Il n'y a plus besoin d'inscrire son nom. Il suffit de mettre son mail. À fort, genre on peut mettre Kader Sabri à totmail.com par exemple. Oui. People. Jennifer Lopez est apparue méconnaissable lors d'une avant-première à New York. Alors, chirurgie ou régime? Cocaïne. Polémique. Une jeune handicapée de 32 ans va être filmée 24 heures sur 24 en temps réel depuis son lit. Mais c'est pas la première fois. Il avait déjà filmé dans l'œuf, Loana, non? Voilà donc le faux JT du jour, donc avec ces deux grands reporters. Hein. C'était horrible aujourd'hui. J'ai eu un coup de fil de France Info qui voulait les débaucher. Ouais, non mais non, on reste là. Je sais, vous êtes fidèles. Ah, c'est la radio de l'info ici. Bah grave. Non, on est fidèles. On est fidèles. Ouais, voilà, c'est ça. Au pluriel. Voilà, voilà, voilà. Bon, retour du faux JT, bien évidemment, la semaine prochaine. On aura l'occasion aussi tout à l'heure de faire l'expression du jour, du moins si on a le temps. Parce qu'en général, c'est toujours l'expression du jour du jeudi. Ouais. Mais bon, on la fait toujours le vendredi, voire parfois le lundi quand on n'a pas le temps de la faire. Bon, enfin bon, c'est pas très grave. NTM IAM, donc, écoutez ce qui s'était passé chez Nikos, donc il y a Cool Chain qui était venu et ça a balancé. Ah. On a connu la rivalité IAM NTM, on la connaît. Est-ce qu'aujourd'hui ça a plané? Est-ce que c'est comme les fameux clubs? C'est surtout qu'il n'y en a plus de rivalité là, oui, aujourd'hui. Enfin, ils ont été chantés. C'est plus après. En Égypte, au moment où on faisait 5 Bercy devant 4 Berbères, donc la comparaison là aujourd'hui. Non mais si, c'est vrai, tu te rappelles pas? Les 20 ans d'IAM, c'était pathétique. C'était, oui, c'était en Égypte, ouais. Devant 4 Berbères. C'est très drôle. C'était un sort de toi, mais je te jure, on fait tester 20 ans, c'est pas terrible. Devant 4 Berbères. Je vois pas de quoi ils parlent. Je veux dire, ça a rien à voir. Les mecs, ils ont été faits. Tu sais, ils se sont fait. Ah, attention, faut pas parler. Ça y est, mais ça oui, non. Non, mais attends, il a juste fait une petite vanne. Non, voilà, non, c'était drôle. C'est bon. Non, c'était pas drôle. C'était si, pas c'est drôle. Tout le monde a rigolé, sauf toi. Les mecs, ils se sont fait leur kiff. Ils ont fait un truc qu'ils avaient envie de faire depuis 20 ans. Ils ont été faire leur concert en Égypte. Bah, NTM aussi, ils ont fait leur kiff. Ils ont fait 5 Bercy. Avec les pyramides. Avec les pyramides derrière et tout. Franchement, ça déchirait ce concert. De toute façon, depuis que il est pas berbère. Par contre, on a failli faire l'émission en direct de la pour l'occasion, mais ça s'est pas fait. Cela dit, au passage, depuis que Toff a une photo avec tout le groupe et lui, ah bah ça, je la regarde tous les soirs. Ouais, c'est ça. Pour m'endormir. En se masturbant. Oh, non, ça non. Ça non, ça j'en ai d'autres pour ça. D'accord. Très bien. Bon, il y a Jean qui est là maintenant. Salut Jean. Bonjour Mickaël, bonjour toute l'équipe. Comment vas-tu? Salut. Bah ça va et vous? Bah écoute, ça va plutôt bien. Hein. Si tu parles pas en bien d'Ayam, je te vire. Oh, bah, tu rien du tout. Je suis là pour dire du mal de NTM. Donc, t'as bien raison. Je suis là pour dire du mal de NTM. De toute façon, vous inquiétez pas, Tofnax, c'est qu'il n'y a aucun bouton. Si le seul bouton qui est là, c'est. Je peux m'éteindre le mien. Voilà, il peut couper son propre micro, mais c'est tout aussi. C'est tout, il a accès qu'à ça. Bon, Jean, qu'est-ce que tu voulais dire, toi, sur NTM? Bah, je voulais dire que c'était des cons, quoi. Mais pourquoi? Mais d'avoir critiqué Ayam comme ça, ça c'est pas. C'est leur choix d'avoir fait des concerts en Égypte. Eux, ils ont fait 5 Bercy, ok. Après, c'est pas être mûr dans sa tête de raconter ça, quoi. T'écoutes l'émission souvent? Oui. Et tu aimes bien l'émission? Bah oui, j'adore. Ah, on est les premiers à critiquer tout le monde. C'est pas vrai. Si. Je ne critique jamais personne. Nous, on est mûrs. Oui, mais vous le prenez sur le ton de l'humour, donc c'est marrant. Mais c'est ce qu'il a fait aussi. Ça s'est mal entendu. Il y a un autre truc qu'il a oublié de citer, Kool Shen, c'est juste que lui, il n'avait pas fait de concert depuis 20 ans. Donc forcément, ouais. Bercy, ça s'est rempli. Ah, il va pas arrêter, toi. Ah non, bah là, il est parti, là. Hein, c'est bon, là, on est tranquille à ce niveau-là. Il fallait pas toucher à IAM. Mais attends, mais tu connais NTM et IAM depuis combien de temps? Parce que comme t'as 15 ans. Non, mais c'est vrai, il faut quand même le dire, tu vois. NTM, j'ai entendu des morceaux que j'ai pas aimé. Ouais. Et couple cake, t'as aimé ou pas? Pardon? Couple cake, t'as aimé ou pas? Couple cake, non. Alors que c'est un pote qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui, qui m'avait fait découvrir Ayam, mais qui était vachement à fond dedans. Ouais. Bon, moi j'écoutais un peu avec lui, je sais pas vraiment le nom des morceaux, mais j'aimais bien ce qu'il faisait, quoi, c'était sympa. Mmh. Et de même au départ de critiquer, ça c'est pas quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Mais ça c'est pour rire, il a rigolé, Kool Shen. Oui, ouais, bah, c'est pas bien méchant quoi. Quand même. Non mais c'est pas bien méchant à la base. Après, non mais ça faut dire qu'il a aussi 45 ans, il peut plus être aussi virulent quand il en a 20. Non mais c'est ça moi, ce que je comprends pas c'est pourquoi ils ont... Enfin tu vois, c'est... Oui voilà, ils ont 40-45 piges quoi, je veux dire. Et qu'ils continuent. Mais non mais c'est vrai. Mais c'est drôle, leur vie c'est drôle. Est faite, hein. De quoi? Leur vie elle est faite, hein. Leur vie est faite, ouais, clairement, ouais. Bah c'est pour rire, oh là là. C'est-à-dire que dans 5 ans, il est avec les Charentaises en train de lire Le Parisien et sa grosse pipe, hein. Ouais, ah, sauf que dans sa pipe, il n'y aura pas que du tabac. Ça, c'est vrai aussi. C'est un artiste, hein. C'est un artiste. Ouais, c'est pas une raison. J'avais une autre explication, moi. Mais... Ouais, c'est vrai. Bon, bah écoute, merci à toi, Jean, d'être passé, en tout cas. Ah, tu voulais juste dire ça, en fait. Bah oui. Bah ouais. T'es pas content parce qu'il a fait une vanne, quoi. Non, c'est pas vraiment une vanne, Sandro. Bah si, il rigolait. Oui, enfin. Ouais, enfin oui, c'est oui, il rigolait mais méchamment. C'était pas une vanne gentille. Voilà. Voilà. Que tu fais à tes potes. Mais bref. On en fait tous les soirs, putain, c'est ouf ça. Putain, une vanne de 4 berbères, on aurait pu la faire. Ouais. Non. Oh, pas au sujet quelle d'ailleurs. Mauvaise foi, quelle mauvaise. T'aurais dit quoi sur NTM? De quoi? Bah déjà ouais, ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas fait de concert, donc c'est normal, les gens ils étaient en demande. Oui. Alors bon, que IAM, ils en font tous les ans. Bon, de toute façon, les mecs, ils sont sur la scène, ils ont taffé pendant 20 ans. Économisez-vous, vous ferez votre clash tout à l'heure. Bon, Jean, merci à toi d'être passé, tu reviens quand tu veux, d'accord? Merci, t'as rien qu'à vous entendre, ça nous fait rire. Oh, non, mais ça, c'est grâce à ma voix, ça. Ouais. Ah, t'as une voix drôle. Oui, je sais, ouais. Voilà. Bon, salut Jean. Merci. À bientôt. Et tu restes. Tais-toi, Viric. Ouais, c'est ça. C'est fini? Ah oui, là c'était bien fini, ouais. Bon, on va reparler tout à l'heure de IAM et NTM, et puis ils auront l'occasion, là, les pro NTM, les pro IAM, de faire leur clash. Voilà. Ah oui, je voulais vous parler aussi, puisqu'il est venu la semaine dernière, et puis il nous en avait parlé. Vous vous rappelez, Anthony Cavana nous avait dit qu'il allait être papa. Ah, ça y est. Eh oui, effectivement, ouais. Il nous avait dit qu'il ne voulait pas connaître le sexe de l'enfant. Et Je sais qu'il va être vénère, mais bon, je m'en fous, c'est un garçon. Oui, oui. Bon, il cherchait même un prénom. Vous avez donné plein de propositions, dont j'aime la chatte. Alors, oui. Bizarrement, très mignon pour un enfant. Oui, mais bizarrement, il n'a pas pris. Je comprends pas. Il a préféré Matisse. Donc, félicitations à lui et puis à sa femme aussi. Hein. C'est donc maintenant que la galère commence. Oui, il va souffrir. Voilà, je pense que ça va nous faire un bon spectacle, hein, comme Florence Foresti. Elle a eu un enfant derrière, ça a accouché d'un spectacle. Ouais. Où elle explique toutes les merdes que c'est d'être maman, que c'est chiant de torcher son môme. Oui, c'est vrai, mais bon, écoute. Y a Delmalet aussi, il a fait un spectacle après qu'il ait été papa, où il racontait qu'est-ce que c'était d'être papa. Oui, donc je pense que Cavana va le faire aussi. Juste, il faut pas oublier un truc, c'est que Cavana fait tous les bruitages. Alors oui. Je sais pas si vous imaginez tous les bruitages de l'accouchement. Et surtout quand il va parler à son fils, et à chaque fois il va. Ouais, ça au bizarre. Départ, ils vont parler la même langue. Hein. Au début, oui, ça va être effectivement le cas. Je crois qu'un bébé canadien, ça pleure avec l'accent. Ouais. Je sais pas. Tiens, ouais, c'est une question en même temps. Il est pas vraiment canadien. Il est canadien, suisse et né en France. Ouais, donc il est français. Donc il est français avec des origines suisses et canadiennes. Et écossaise. Et irlandaise. Ah oui, oui, c'est vrai. Irlandais, oui, tout à fait, tout à fait. Bon, oh là là, qui est là? Allô. Le premier qui dit allô avant la sonnerie. Mais non, mais je voyais le truc, la lumière. Bon, allô. Allô. Ah, bonjour. Salut, Mickaël, c'est Huggy. Oh, salut. Tu nous avais manqué, Huggy. Salut, Huggy. Ça fait plaisir. Hein. Ouais, il a des tellement bonnes informations. Ouais, bon, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est Huggy, les faux tuyaux. En gros, c'est ça. Donc, il croit toujours avoir des super infos, mais bah, soit elles sont périmées, soit c'est lui qui mélange tout. Oh, donc, t'es vache c'est... avec lui quand même. Merci, Sarah. Ouais, t'avais pas totalement tort, ouais. En fait. Hein. Ouais, c'est Sandra, mon nom, Huggy. Ah, pardon. En fait, je vous appelle pour la grosse info qui vient de tomber. Ouais. Oui. Vous avez vu que Pink a tenté d'avoir le cancer, mais personne n'a voulu lui en laisser un. Mais non, oh là là là là là. Non seulement l'info, mais non seulement l'info est fausse, mais je sais pas si tu te rends compte de la connerie que tu viens de sortir, Huggy. Pink s'est fait refouler au port de son propre concert, pas cancer. Ouais, mais c'est pas grave, Guy, t'auras bon, la bonne info la prochaine allez, fois. C'est d'ailleurs, elle a dû sortir ses papiers et tout hein, pour prouver que c'était bien elle. Bon. L'important, c'est d'essayer, Guy. C'est de venir et de dire j'ai des choses. C'est ça. Bon, Guy, on te remercie. Attends, Mickaël, j'en ai d'autres. Putain, il me fait penser à Mehdi. Bon, alors quoi? Exactement. J'ai un scoop sur les bécanes. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, Victoria, elle a déclaré qu'elle dépensait 1 500 € pour se faire baiser comme une cochonne les jours d'anniversaire. Baiser comme une cochonne les jours d'anniversaire. Mais c'est pas comment ça l'info, c'est toujours pas ça l'info, mais même Guy. Si, même si ça doit être vrai quand même. Non, mais c'est encore une connerie des Beckham. En fait, le couple a dépensé 1 500 € pour acheter 2 mini cochons, sauf qu'ils s'embrouillent pour les noms. Alors, elle veut les appeler David et Elton pour Beckham et Elton John, mais lui n'est pas d'accord et donc il veut les nommer Perky et Pinky. Voilà. Tain, ça doit pas être facile d'avoir leur problème. Ouais, c'est dur. Hein. Ouais, c'est dur. Bah, en plus, il voulait faire comme machin que Georges Clooney quoi du coup. Ouais bah voilà. Bon là on en parle parce que Guy vient de dire une connerie mais putain qu'est-ce qu'on s'en branle de leur histoire de cochon au final hein. Ça fait quand même les gros titres sur internet. C'est surtout quand tu veux rendre hommage à quelqu'un, tu donnes pas le prénom de ce quelqu'un à un cochon quoi. Pauvre Elton John. C'est vrai. Alors bon Guy, moi j'aurais bien aimé que Victoria soit une cochonne. Il y a une petite ressemblance quand même hein. Ouais, hein. Bedo, petite, ouais. Bon Guy, on te remercie. Non de face. Attends. Quoi encore là? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes pas au courant? Non, quoi? Ils sont pas au courant! Huggy, il est foutu et haut là. Si tu veux juste nous annoncer que la France a gagné la Coupe du Monde en 98, on est déjà au courant. Hein. Non, c'est pas ça. Mais Rihanna vient de faire une interview sur sa vie privée. Ouais, mais c'est que Huggy, il est foutu et haut, aurait une vraie info? Bah ouais, dans l'interview, Rihanna a déclaré qu'elle regrette de s'être tapé James Brown en direct tout en chantant ABC de Jackson. Oh là là là là là là. Quand même, donc hein. Là, on est au niveau du n'importe loin, quoi. Ouais. En fait, Rihanna s'est expliquée sur sa relation qu'elle avait eue avec Chris Brown et elle l'a pas fait en chantant ABC. ABC, c'est la chaîne américaine sur laquelle elle a fait ses déclarations. T'as rien compris. Ouais. Et ça tombe bien que tu nous en parles, Huggy, car en mode, t'as servi à quelque chose. Nous avons envoyé les Mexicains aux États-Unis pour qu'ils puissent faire la traduction. Nous aurons donc en exclusivité dans quelques minutes l'interview de Rihanna par les Mexicains. Bon, merci Huggy, à la prochaine. Hein. On va pas te déranger plus longtemps. Yo les mecs, merci. Je suis voir Voici Salut, Public, là j'ai un truc de fou. D'accord. Frédéric Mitterrand, il veut la nationalité belge. Ouais. Allez, je peux plus rien pour toi, Huggy. Je voulais bien te défendre, mais là je peux plus. Non. Salut Huggy. La bonne soirée. Ciao les mecs. Allez, ciao. Oh là là. Bon, on va revenir dans un instant avec le jeu des amis, bien entendu. Et puis on aura, comme on le disait à l'instant, l'interview, la traduction exclusive de Rihanna qui a fait sa petite apparition sur la chaîne ABC aux US. J'ai envie du bonsoir, c'est Maître Peters. Quand c'est du soir dans le radio, moi j'écoute Michael de 21h jusqu'à midnight. Hein. Du dimanche au vendredi, 21h minuit. C'est du Michael de 21h jusqu'à midnight. Et c'est Maître Peters qui le dit. Effectivement. Bon, on est là comme d'habitude, 21h minuit sur Énergie avec tout à l'heure petit lecteur DVD portable affilé. On aura les caméras numériques également. On aura avec la sortie de la loi de Murphy depuis hier au ciné avec Énergie, avec Omar Efred et Jonathan Lambert entre autres, des lecteurs multimédia Dane Elec Music Touch et puis les compiles Énergie Dance qu'on fait tomber relativement souvent. Si vous voulez les choper, vous pouvez vous inscrire dès maintenant 6 11 12, débutez le message par Énergie puis vous mettez Dance et votre numéro numéro de téléphone. Et il y a un message qui est arrivé, c'est Huggy le gros blaireau. C'est un peu ça, effectivement. Il, un peu ça. Oh, il est chou comme tout. Non, mais non, il est gentil. Il est con, il est con. C'est Cédric qui avait envoyé, c'est Huggy le gros blaireau. Mais tu sais, il peut finir journaliste pour Voici ou Closer. Hein. Ouais. C'est parfait. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il pourrait, effectivement. Ouais, Europe 1 aussi. Hein. Ouais, non, oui, peut-être oui, pas. Oui, je sais pas. Ils sont pas mauvais pour lancer des infos un peu périmées. Écoute, je sais pas. Bon, on va donc faire ça tout à l'heure. Et puis on a Marine qui est là maintenant. Bonsoir Marine. Salut Mika, salut toute l'équipe. Comment ça va? Ça va, oui. Bah écoute, on va plutôt bien. Ça va, tranquille. Bon, dans alors. Dans quel état t'es-t-il? Comment j'ai pas compris ce que dans tu quel as état t'es-t-il? Dans quel état t'es-t-il? Dans quel état t'es-t-il? Christophe. Ah, Toff? Oui. Texte. Dans quel état t'es-t-il? Je vais bien. D'accord. Bon, je vais très très bien. Principal, c'est que tu saches. C'est parfait. D'accord. Parfait. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, oui, Marine, on va faire le jeu des amis. Oui. Très bien. Tu as quel âge? 15 ans. Oui. Parfait. T'appelles du 66. Et donc, on va jouer dans un instant. On va appeler une de tes copines ou un de tes copains. On appelle qui? Il y a Coquer. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un surnom, je pense. C'est un chien? C'est ton chien d'enfance qui... Parce que ça va pas être pratique pour les réponses. Hein. Non, c'est une copine en fait, mais c'est son surnom. Oh, bah, heureusement pour elle, hein, ah ouais, parce que sinon, c'est violent. Hein. Je te confirme. Oh non, mais... mon Dieu, Toff, c'est Sandro. Il y a deux Toffs. Oui. Sandro, c'est un mignon Toff. Quelle horreur. J'ai froid. Ah putain, tu dois avoir froid pour prendre fou, le. Hey, tu dois avoir froid pour. Ah oui, alors c'est-à-dire que le pull rouge de Toff, il est écharpe verte armée du roux. Mais il caille dans ce studio. Bah ça va, moi. Ah non, mais moi j'ai trop froid. Tu dois être malade, hein, parce qu'on est tous en t-shirt. Ah, moi je suis en t-shirt, ça va bien. Hein. Ouais, c'est bizarre. Ouais, je te confirme, ouais. Bon, et donc Coquer, Benoît ou David, Marine, on appelle qui? Coquer. David. Non, David. Coquer. Très bien. Coquer, elle est au Mac Velusa, t'as répondra. Ah bah ça vaut bien la peine de donner son numéro de téléphone. Perpignan. Voilà, ça c'est intelligent. Il joue contre qui? Perpignan, je sais pas. Il joue contre qui, l'USAP? Je sais pas. Non, bon okay. Bah c'est pas grave. Savent peut-être. C'est drôle ça, y est. Ouais, je suis pas sorti tout seul. Tu vois, ça c'est le pull et le roux, ça. Le pull et l'écharpe mélangée du roux et de Toff. Ouais, ça fait très très très très très mauvais mauvais genre. Qui joue contre l'URSSAF parce qu'ils ont le même problème que les footballeurs avec les histoires d'impôts là. Ouais. Bon, Marine, on appelle David. Ouais. Allez, c'est parti. On lui pose 10 questions. Si il répond correctement à 6 sur 10, ce sera gagné pour vous deux. Allez. Puis il y aura le clash tout à l'heure, hein, entre NTM et, ouais. Et IAM. Ça a pas l'air de sonner plus que ça, Marine. Hein. C'est pas grave, on appelle quelqu'un d'autre. On sent bien, bonne ambiance. Ça allez, va. Ah, voilà. Il détend. Bah, c'est beau. Parce que si Coquin n'est pas disponible en plus. Bah, oui, c'est bon. Oui, c'est ça. Ouais. Ah. Allô, David. Oui. Salut, David, c'est Mickaël. Oui. T'es en direct à la radio sur Énergie, ça va bien? Ça va. Bon, je t'appelle pour tout simplement le jeu des amis avec Marine qui est avec nous dans le standard. Tu connais Marine? Oui. Oui, très bien. Et attention, on va jouer maintenant. Je vais te poser 10 questions à son sujet. Si tu réponds correctement à 6 d'entre elles, ce sera gagné pour vous deux, ok? Ok. Bon, allez, c'est parti, on y va. Il faut répondre du tac au tac. Si tu sais pas, tu peux passer et... voilà, si tu sais pas, tu peux passer. Ce sera donc considéré comme une mauvaise réponse. Attention, une minute, c'est parti. De quelle couleur sont ses yeux? Bleu. Bleu, bonne réponse. Quel est son dessert préféré? Quoi? Son dessert préféré. Quoi? Malheureusement, ça coupe. J'ai pas compris, tu dis? Passé. Passé, c'était les glaces en règle générale. Quel est son plat favori? Passé. Passe aussi, très bien. C'était le McDo, très bien. Quel est le dernier livre qu'elle a lu? Passé. Très bien, c'était ça Twilight. Pas mal. Quel est son style de musique préféré? Passé. Le rock. Mickaël, comment s'appelle-t-elle? Comment est-ce qu'elle s'appelle? Marine. Allez, c'est bravo. Bon. Je te l'accorde. C'est bon, allez, on va pas se faire chier. Hein. Encore une mauvaise réponse et c'est perdu. Quel est son plus gros défaut? Son caractère. Non, elle est très jalouse. Quel est son plus gros défaut? Son caractère. Voilà. Où est-ce qu'elle a rencontré son mec actuel? Comment? Où est-ce qu'elle a... Où a-t-elle rencontré son mec actuel? À la pêche. Au port. Oh ouais, allez, on chipote pas, non plus. Hein. C'est le bel endroit pour rencontrer quelqu'un. Quel est le prénom de son dernier petit ami? Passe. Benoît. Et ouais. Oui, alors allez. Moi j'ai cru que c'était Macron, mais. Non. Quel est le nom de sa revue préférée? J'ai très peur, rien qu'à ton sourire, j'ai très peur. C'est quoi? Tu sais pas? C'était. La Arrête de passer, tu vas tout perdre là. Ah oui, mais là c'est déjà perdu. Bon, une dernière, mec. 7 mauvaises et 3 bonnes. Comment s'appelle-t-elle? Marine. Bon, très bien. Bravo. Ouais, c'est pas mal, tu vois. C'était quoi sa revue préférée? C'était Oups. Ah oui, oh oups. Là voilà. Là. Eh ouais. Bon, ben 7 mauvaises réponses et 3 bonnes. Oups. Ah, mais bravo, on a battu les records. Ah non, il y a eu un jour un zéro bonne réponse, hein, donc. Ah bon, ça va. Ça se souvient pas, mais. Ouais, donc voilà. Bon, ben c'est pas grave, hein, tant pis, hein. Bon, venez comme quand vous voulez tous les deux. Okay. Salut à vous. Bisous. Ciao, bye bye. Bon, et si vous voulez, ça fait longtemps qu'on n'avait plus eu de défaite. Bonne défaite. Oui, oui, oui. Si vous voulez jouer, vous inscrire bien sûr au jeu des amis 612. Débutez le message par MIKL et puis vous laissez votre numéro de téléphone ou encore tout simplement sur MIKL.fm. Au paquet de rêve, les gars, tout en bien. Voilà, c'est du portugais. Bon, on suit toujours ça, bien sûr, en direct. Une nouvelle qui fera plaisir à Jack. 1-0 pour Bruges. Ah, c'est bien. C'est avec Anderlecht qui a gagné tout à l'heure. Là, on va finir par croire qu'ils savent jouer maintenant. Équipe, hein. En Belgique. Ah, c'est... bah, exactement. Hein, pas bien pour Toulouse, par contre, je pense. C'est pas bien pour Toulouse. Que Bruges gagne. Qui, oui, et qui plus est, Toulouse fait 0-0 pour l'instant. Oh, pas sûr. Ah, bah, oh là là, ce qu'ils ont raté. Ouais. C'est... Ça joue contre là. Contre le Shakhtar Donetsk. Ouais. Bon, enfin bon, 0-0, c'est pas grave. On vous tient au jus, bien sûr, dès qu'il se passe un truc. Bougez pas, dans un instant, on aura aussi en exclu l'interview de Rihanna, faite par les Mexicains, qu'on a envoyé aux États-Unis pour... Ça va être du lourd. Hein. Exactement, ouais, pour apprendre la langue, pour travailler sur cette interview, etc., etc. Nous ferons ça dans quelques instants. On aura également le petit clash entre NTM et IAM. L'expression du jour, on devrait avoir le temps. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas pris de retard. Donc c'est prévu. Et puis Diams qui arrive juste après la pub. Là ce sera Enfant du désert sur Énergie. Bouge pas. Mickaël engueule son équipe hors antenne. Et l'émission revient juste après ça. C'était le son de Diams, Enfant du désert, qui est donc tiré du dernier album. Et d'ailleurs on a la pub du dernier album aussi, hein. Ah. Énergie et McDonald's présentent le nouvel album de Miams. La reine du rap revient dans les bacs avec son nouvel opus Sauce. Belle demoiselle aime les tagliatelles, les cuisses de poulet mais aussi les ailes à bec, Jamel et le cake à la cannelle. Mais si tu veux maigrir, faut que tu jeûnes, demoiselle. Avec aussi sa chanson orientale en duo avec DJ Couscous, La Boulette. Alors ouais, j'ai toujours faim, ouais, je pèse une tonne. Non, c'est pas mon mec qui me dira que je suis bonne. Je vous dis que je veux du rab, donne-moi une autre boulette. Sortez le couscous ou s'il n'y a pas une raclette. Et enfin, la version longue du morceau qui l'a propulsé numéro 1 des ventes de single, Enfant du dessert. Alors je suis sorti de la voiture et je me suis arrêté à la boulangerie pour y prendre du pain dur. J'y ai même mis la confiture. Ce n'est quand même pas ma faute si je peux rien manger nature. Miams, un événement énergie. Hé, hey, tu manges ton éclair là? Ouais. Ok, merci, c'est cool hein. Quelle horreur. Voilà, donc nouvel album de Miams. Donc ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la vanne. Eh oui, oh là là. Est-ce qu'on pourrait mettre les Caca Eyed Peas? Allez, Caca Eyed Peas. Je suis d'accord avec le roux, ça fait longtemps. C'est un groupe qui cartonne sur le net, Mike. Mais oui, mais c'est d'accord. C'est le buzz du moment. C'est pas téléchargé, mais ils aiment bien quand même. Ouais, c'est ça. On peut leur mettre ou pas? Oui, on pourrait, ouais. Ah, tant qu'on est dedans. 50 cents. Oh non, j'ai rien foutu. 50% liquide, 50% liquide, 50% solide. Univers très très sale présente le nouvel album des Caca Eyed Peas. Incluse la chanson qui a fait de ce groupe un carton mondialement connu en France. Tous les soirs alors qu'il caille, tu pisses par terre comme une racaille. Je regarde ta tête, je vois que tu t'en fiches. Mais regarde-toi, t'as l'air d'une quiche. Mais quand vas-tu te rendre compte que tu pollues la planète? Alors pense à moi quand tu fais pipi. Va aux toilettes, va aux toilettes, va aux toilettes. Et ils sont contents, ils sont contents. Le titre qui a demandé près d'un an d'écriture, allez. Tellement les paroles ont été écrites en un an. Allez bébé, vas-y, fais pipi. Oh no, pipi. Oh no, pipi. Oh no, pipi. Oh no, pipi. Et encore le tube double disque de bronze, dont le clip a été tourné au Pérou, sur les berges du lac Titicaca. Du caca, en anglais, shit, une bouche, en arabe de l'arla. Quand ça sent fort, ça pue, on prend du caca. En bonus track, découvrez le single qui a été produit avec le cigare au bout des lèvres, juste avant que ce soit pressé. Laisse-moi me vider, laisse-moi donc pire. Eight Peas en live, un disque 200% écolo avec Greenpeace. Même les stars du foot en disent du bien. Salut, c'est Caca. J'adore le nouvel album de Caca de Piche. C'est champagne, c'est carnaval. Je l'écoute à fond à la maison et ça fait chier toute la famille. Voilà, le groupe. Il est content, il va passer une bonne soirée. Ah, il a gagné sa semaine. Si on l'avait pas fait nous-mêmes, j'aurais dit que c'est de la merde. Bon, nous avons les Mexicains qui viennent juste d'arriver. Oui. Donc l'avion a touché le sol. Il y a une demi-heure à Charles de Gaulle. Là. Même pas. Ils ont repris le Concorde. Hein. Oui. Voilà, c'était rien que pour nous. Bah, il fallait bien. Ils ont remis les moteurs dedans, tout le bordel. Et ça n'existe plus. Hein. Bah, si, il existe encore. Si, mais pas en, ouais, en vol. Plus, quoi. En alors, vol, voilà. Polo a dû passer plusieurs portes de sécurité parce que les gens n'avaient pas confiance en lui. C'est ça. Il a réussi pour une fois à les passer. Ouais. Sur la route, il a rencontré une petite blonde. Ah oui. Et... c'est pas qu'une petite blonde. Oui, oui, oui. C'est sûr. Je l'aurais défouraillé. Non, une vraie femme, une belle blonde. Attends. Bon, tout ça pour dire que vous avez été là-bas pour faire pour la traduction donc de l'interview que Rihanna avait donnée à la chaîne ABC aux États-Unis. Et comment va-t-elle? Comment va Rihanna? Rihanna va bien. Elle se remet petit à petit. Vous avez vu ses nouveaux tatouages? Oui, on a vu que ça. Un coup de poing, elle a un point là sur l'épaule droite. C'est pas un tatouage. Un point américain. C'est une marque. Très bien. En tout cas, si au visage elle a réussi à les enlever sans problème, il n'y a pas de trace, il n'y a rien. Oui, c'est vrai, ouais. Bah, c'est vrai. La chirurgie. Bon, on écoute cette traduction que vous nous avez faite. Oui, en exclusivité. En exclusivité mondiale. Enfin, française. En tout cas, française. Francophone. Ouais. Francophone, voilà. Ouais. Allez, on écoute ça. Voilà. J'aime les femmes et j'ai eu des expériences avec elles, mais jamais en public. Alors quand Chris m'a montré son cul, j'ai juste dit « Où est mon god ? Ce mec a une petite bite. » Chris voulait se faire sucer. C'est ce que les petits copains veulent. Ils veulent se faire sucer. Mais j'ai dit non. Et c'est là qu'Ayam a juste sauvé ma vie. Personne ne savait ça. I am c'est fort. Parce que j'aime trop le crâne chauve d'Akhenaton. Je suis tombée amoureuse de cette personne. C'est embarrassant parce que ce type de personne est plus amoureuse de sa voiture. Et surtout amoureuse de ses phares. En plus, Akash était en liberté conditionnelle. Et... je voulais pas être son tapin. Moi, je voulais juste lui toucher Popol. Mais en face de Popol, je suis une être humaine. Et Popol avait en fait un très fantastique pédestal. Et je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas entièrement naturelle. Et c'est pour ça que sa première réaction, c'est complètement normal, il est parti. Et ça, je le regretterai toujours, parce qu'Akhenaton a un membre que je ne retrouverai plus jamais. Révélation. Eh oui, révélation, effectivement. On sait enfin pourquoi elle s'est fait taper dessus. Voilà, c'est ça. Ce serait visiblement pour ça. En tout cas, je ne regrette pas du tout de vous avoir envoyé aux États-Unis. Écoute, très très bonne traduction. Tu en as eu pour ton argent. Exactement. D'ailleurs, j'ai eu des appels d'énergie suisse et Québec qui voudraient Liban. Récupérer. Oui. Tant que c'est pas énergie Belgique, ça me va. Bah, pourquoi? Il faudrait la traduire en deux langues. Ah oui, il fallait qu'on parle comme ça. On a pris l'escamoteur. Ça fait 28 ans que l'escalator. Ça fait 28 ans que j'habite là-bas et j'ai jamais entendu personne parler comme ça. Et ben moi, j'en connais beaucoup. C'est ça qui est bizarre. Et pourtant, ça fait pas longtemps que j'y vais, mais j'en connais plein. Qui parle comme ça, non. Comme Jack, oui, mais comme toi, non. C'est fabule. C'est ça. Sandro, imitation. Ah. T'as pas une carotte un peu là? Est-ce que c'est connu les Belges? Si, les Belges parlent comme ça un petit peu là. C'est comme ça, bah si. Non. Qu'est-ce qu'elle est morte? Il y en a qui parlent comme ça. Bah ceux qui sont mi-belges, mi-autrichiens parlent comme ça. Oui, mais là je t'ai demandé belge. Tu parles autrichien. Alors qu'un belge ça parle comme ça, dit. Mais il y a certains Belges qui ont l'accent allemand parce qu'il y a une petite région germanophone aussi. Et ben voilà, c'est ce que je faisais. Bon, fais la Suisse. Fais Martin. La pâte la dynamite. Tu vois, en fait, t'appuies plus sur le i. Non, mais c'était pareil. Pâte la dynamite. On a pas vu la différence. Non, c'est toujours autrichien. Moi, je m'entends. Hein, attends, le Canada. Le Canada. Tu peux avoir un exemple? Bah non. Je sais le faire largement. Oui, Céline Dion. Allez, il est parti où, René? Alors, attention, plus fort, plus fort. Peux-tu nous faire une antillaise? Attention, ça ressemble à l'américaine. Enfin, l'américaine ressemble à l'antillaise. C'est l'accent américain qui ressemble à l'accent africain. Vas-y. Bien ici, Dodo. Où t'es parti comme ça? Mais c'est que t'as certains talents cachés, hein? Oui, mais non, pas du tout. Je l'ai toujours dit, c'est quand je fais l'accent américain que ça ressemble à Doudou. Alors vas-y. D'accord. Ah oui, bah oui. Ouais, je comprends. On va faire l'américain. Alors. Je prépare, tu sais, alors. Bienvenue dans ce Mac du jour. Ouais. Je mélange tout, là. C'est n'importe quoi. On tourne sur l'Autriche, là. Tu vois. C'est ça. C'est l'Autrichien antillais, mec. Bon, on va repartir sur ce grand débat que nous avions lancé, donc sur NTM et IAM. Enfin, c'est Gulshan qui l'a lancé tout seul, au final. Hein. Et nous avons Jean qui est toujours là, hein, Jean qui fait IAM. Et nous avons Arnaud qui est là maintenant, 25 ans. Salut Arnaud. Salut Mickaël, salut la Dream Team. Comment salut. Ça va, la Dream Team, comment ça va? Mec, c'est-tu bien, ça bien et vous? Ça va bien, ouais. Bon alors Arnaud, tu voulais réagir toi par rapport à NTM, IAM. Donc Jean qui kiffait IAM. Et puis Arnaud, toi t'es quoi, plutôt quoi? Ah ben NTM hein. Plutôt nique ta mère. Ah tout à fait hein. Très ouais. Bien. Donc en gros c'est parce qu'il y a Coolchain qui a fait une vanne sur NTM, sur IAM, dans le 6-9 avec Nikos le matin. Et donc du coup voilà, c'est parti là-dessus en fait. Une vanne complètement déplacée. Oui ça va. Il a dit qu'il n'y avait plus de merde. Il n'y avait plus d'animosité entre NTM et IAM. Parce que IAM c'est un autre niveau. Eux ils vont faire leur 20 ans en Égypte. Et il n'y a que 4 berbères qui vont les voir. Voilà, c'est bon, c'est une vanne. C'était pas drôle. Ouais, on va pas y passer 107 ans. Oh, ça va, taf. Bon, et donc Arnaud, vas-y, on t'écoute, toi. Bah, c'est clair, hein, ça reste une petite vanne, quoi. C'est ça le rap, hein, comme dirait Silvio, c'est sympa, quoi. Ah oui, maman, c'est comme ça le rap. Moi, c'est le rap, ça. Mais oui, c'est ça, mais c'est gentil, ça. Hein. Voilà, exactement. Ouais. Bon, y a rien de méchant, hein. Et non, mais c'est sûr, y a rien de méchant. De méchant, pardon. Mais juste un truc, Arnaud, tu connais NTM et IAM depuis quand? Oh, moi ouais, ça fait 13 ans, 15, ouais, 14 ans. Puis, tout gamin, quoi. C'est ma jeunesse, ça. T'imagines qu'ils étaient déjà à la moitié de leur carrière à cet âge-là? Il y a 14 ans. Ouais, bah ouais, C'était quel album? Comment? Je dis, c'est quel album? Le premier que t'as acheté? Ah, c'était avec Paris sous les bombes. Ah, c'est Paris sous les bombes. Ah oui, c'est Paris sous les bombes. Oui, c'est vieux. Ça hein. Remonte, ouais, grave. Ah ouais, c'est-à-dire Sandro, elle était pas plus haute que deux pommes à l'époque. Ouais. Mais moi, c'est marrant parce que je les aimais pas du tout au début parce que ma sœur, justement, elle mettait Paris sous les bombes à fond pendant qu'elle faisait le ménage chez moi. Et comme il n'y avait pas mes parents, elle se lâchait sur le son, donc elle mettait à fond et ça me rendait ouf. Donc après, j'ai dévié sur les boys bands. Oh. Ah, j'étais traumatisée par le rap. Ah bah, il fallait passer. J'aimais à pas du tout. Et c'était après, le rock ou les boys bands. Et façon. Après, en fait, c'est j'ai vraiment commencé à aimer. Moi, je suis pas fan de à fond, tu vois, mais j'aime beaucoup. Ah non, elle est pas les fan. Backstreet Boys, ils avaient 2-3 phases de rap. Hein. Ouais, c'est ça. Exactement. Elle est pas fan, mais elle écoute ça dans sa smart, elle saute toute seule la voiture. C'est comme ça qu'elle avance. Hein. Donc c'est même pas en accélérant, c'est juste en sautant sur elle-même. Bon, et donc Arnaud, donc toi, c'est juste. En fait, au final. Il n'y a qu'eux qui s'embrouillent parce que quand tu prends là, t'as Jean, t'as Arnaud, même notre avis à nous, c'est juste que on s'en fout. On s'en bat les couilles. Techniquement, moi j'aime bien les deux, IAM et NTM, et même s'ils tapent sur la gueule, j'aime bien les deux moi. Je trouve que c'est pas du tout comparable. Je parle pas de la musique, mais ouais, par rapport à l'image et au message que les deux véhiculent, ça n'a rien à voir. Donc tu peux même pas les comparer quoi. Il y a un truc qui est très drôle. Tu les compares sur la différence, mais pas sur. Il y a un truc qui est très drôle, c'est écouter Authentique, l'album de 1993, l'année de naissance du roux. Oh là là, non, mais putain, vous allez vous foutre de leur gueule. Ça a mal vieilli. Ah bah oui, c'était leur époque supporter du PSG. Hein? C'était leur époque supporter du PSG. Ah bon? Je crois Authentique, d'accord. Je ne savais pas. Bon, et juste un truc, même tout a mal vieilli hein, quand t'entends. Qu'est-ce qu'il y avait encore les premières là? Merde, j'ai oublié. De IAM ou NTM? Non, d'NTM. La plus vieille que je connaisse d'NTM. Allez, qu'est-ce qu'on attend? Non, pas celle-là. Là, ça va encore. Oh, il y en a une, je vois la pochette verte du single encore. Comment ça s'appelle encore? La pochette verte? Non. Ah, j'ai oublié, putain. Ah, ça m'énerve. Elle faisait 4 minutes 30, 5 minutes. C'est Dr. Dre, ouais, la pochette verte. Non, je sais plus comment elle s'appelle. Bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, ça a mal vieilli, quoi qu'il arrive. Non, bah, le Supreme NTM, il a pas bougé. Hein. Non, mais. Ah, bah, ouais, non, mais après, Authentique, t'écoutes Authentique, t'as envie de rigoler, quoi. Tu te dis, c'est des rappeurs en carton. Bon, de toute façon, il y aura les clashs tout à l'heure. Pas le rappeur en carton, ouais. Ouais. Ça va être du vrai, du lourd. Je vais dire no clash, parce que si vous attendez vraiment les clashs, par contre, ça passera pas tout de suite. Donc, merci à Jean. Merci à Jean et Arnaud d'être passés. Ouais, mais tout surtout, le con de la semaine, ça reste quand même Brice Hortefeux. Oui, bien sûr. Non, mais ça, on est d'accord, c'est évident, ouais. Salut à vous. Bisous. Ouais. Ciao. Ouais. Tu voulais dire un truc, Arnaud, vas-y. Non, bah, c'est pas grave, c'est. Bah, vas-y, t'es là. Non, je voulais dire que le petit jeune là, qui parlait du rap tout à l'heure, là. Bah, c'est lui, il est là, et c'est Jean. Oui. Ouais. Il faudrait qu'il sache de quoi il parle déjà, parce que là, il doit encore avoir des cassettes de bisounours sur ses étagères. Oh, et, l'ambiance. Alors, descendre ton piédestal, ça fait un infarctus, mon pauvre Arnaud. Oh. Comment? J'ai pas entendu. Il a dit redescendre ton piédestal, tu vas faire un infarctus, mon pauvre Arnaud. Hein? Oh là là, mon pauvre petit enfant, on va. Prendre pour les choux et va te coucher. Cela dit, l'attaque sur l'âge est facile. C'est vrai. C'est toujours facile. Non, moi, mais c'est vrai. J'ai pas raté le collège à 14 ans. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Jean? J'ai pas raté le collège à 14 ans. Mais moi non plus, je te rassure. C'est ça, vous ne connaissez pas. Ils bon. Se vendent juste à cause de NTM et d'Aya. Bon, rassurez-vous, les clashs que le roux va se faire par exemple avec Toff, Sandro et Jax, ce sera pire. Hein. Mais nous, on est avec Sandro, on est NTM, nous. Oui, oui, voilà. Exactement, ouais. Bon, allez, salut Jean, salut Arnaud. Bisous. Allez, à bientôt, ciao à vous, bye bye. Bon, et puis, on a le temps, profitons-en. De quoi? De faire l'expression du jour. Je vous propose, avant d'envoyer l'expression du genre, c'est qu'on fasse un petit revival de la semaine dernière. Oui, bien sûr. Alors, je sais que ça parlait de casser les pieds. Ah, c'est casser les pieds. Oh non, ouais. Faire mal à réécouter ça. Non. Allez, on avait cassé on les pieds. On ça. Ouais, on s'était allez. Cassé les pieds la semaine dernière. Écoutez ça. Bon, allez, on va tester cette grande expression ce soir. Donc, casser les pieds. Ouais. Qui commence? Bah alors commençons par Micha. Polo va essayer sur Micha. C'est un plaisir de lui péter les pieds. Je dois retirer mes chaussures. Enlève tes chaussures, Micha, s'il te plaît. Je peux pas. Si, allez, si, si. Micha, non mais attends, écoutez-le. Il a envie de s'exprimer. Pourquoi tu ne peux pas enlever tes chaussures? Parce qu'on est vendredi et comme tous les vendredis, j'ai plus de chaussettes, donc je trouve des chaussettes que je trouve dans un fond de tiroir et c'est pas les mêmes. Allez, enlève. Oh mais il a vraiment pas les mêmes. Oh mais moi aussi ça m'est déjà arrivé. Genre c'est la vieille chaussette du pot. Eh vas-y, comme au baseball. Allez, frappe-moi, vas-y. Non, comme au baseball, ça, demain. Non, demain, après, demain. Franchement, il a peur. C'est progressif. Oh, ça va. Là, franchement, tu me déçois. Quand tu coupes un arbre, tu fais toujours des petits coups au début. Merde. Aïe. Allez, roue à toi. Allez. Attends. Là. Ah. Oh, mais t'as. Oh. Non, mais il a tapé on t'a même pas touché. Endroit. Il a tapé au mauvais endroit. Ouais, c'est ça. Ouais. Attends. Ah, mais. Ah, la face, ça fait hyper mal. Mais regarde l'autre, il a frappé comme un point là, sur Micha. Oui, mais lui a l'habitude de faire plein de trucs. Et pourquoi ce geste accompagné de cette phrase? Vache. Je crois que le roux a eu mal. Ah, bah oui, ça ouais, fait un mal. Un peu, ouais. Ça, vous pouvez le faire chez vous, hein. Vous pouvez vous casser les pieds entre amis, c'est très sympa. Hein. C'est convivial. Bah oui. C'est ça. On sent que les gens s'aiment tout de suite après s'être cassé les pieds. Bah oui, c'est un petit truc sympathique. Bon, attention. Nous allons maintenant faire l'expression du jour de ce jeudi, un jeudi, et ça fait plaisir. L'expression du jour est tourner au vinaigre. Alors vous allez vous dire, mais comment on va faire pour tourner au vinaigre? Donc le concept est le suivant, c'est qu'on a rempli des petits gobelets avec des... C'est marrant parce que Sandro dit, c'est quoi l'expression du jour aujourd'hui? Ah ouais, tourner au vinaigre. Et alors c'est quoi? Bah il faut boire du vinaigre. Oh, c'est que ça. Elle a dit ça tout à l'heure. Tu commences, tiens. Elle a dit ça tout à l'heure. Alors attention. C'est du balsamique. Oui, c'est moins violent, non? Je déteste. Bah, je préfère le blanc, moi, encore. Il faut tout boire ou T'es un déglingué. Ah oui, le blanc. Il faut tout boire. Il faut pour qu'il y ait l'appréhension qui aille avec. Il faut que tu trempes tes lèvres, tu goûtes et ensuite tu boiras tout d'un coup. C'est juste pour que tu flippes la deuxième fois de boire. Ça va rien me faire, les gars. Sérieux? Oui. Ah enfin, si, ça, est-ce que j'en ai beaucoup? Allez, et maintenant tu sais. Ah, ça c'est en train de remonter là. Oh, mais ça doit être boile, boile, boile, boile. Mais t'es une grande malade, mais t'es complètement taré ou quoi? Mais moi je mets que du vinaigre dans ma salade. Ah, mais comment t'as pu boire ça? J'ai l'habitude. Elle a bu ça comme ça. Franchement, j'ai envie de vomir à sa place. Bah oui, à cause des régimes, je mets pas d'huile dans mes salades. Du coup, je connais ce goût quoi. Rien que l'odeur, ça. Ah, oh, c'est pour toi, Polo, le verre de non, de c'est vinaigre. Pour toi, Mike. Non, mais moi, je vais juste tremper. Mais déjà, je déteste. Encore, vous auriez pris du vinaigre blanc, j'aurais pu le boire, je pense. Mais le vinaigre c'est brun, pire. Là. Je préfère le blanc. Bah, écoute, j'y peux rien, moi. Non, je crois que le balsamique, il est moins violent que le vrai. Hein. Oh, sa mère la pute. Celui-là, il doit être moins grave que le blanc, ouais. Ouais, je suis pas convaincu d'avoir la tête de Mike. Hein. Ah, mais moi, j'aime pas. Shot. J'aime pas. Déjà, quand je vais dans un resto, je demande sans vinaigre balsamique exprès parce que je déteste ça. Ça attaque le nez, hein, putain. Mais ça attaque tout, mec. Allez, vas-y, prends la première. Il y a des gens qui disent ça pour décaper. Hein. Mais ouais, pour nettoyer, même. Oh, cette tête! Oh, cette tête! Oh, c'est dégueulasse! Ça va, c'est pas le plus violent, franchement. Ah non, faut finir. Ah non, non. Ah si, si. Ah, ah si, si. Ah non. Allez, on finit. Oh, j'y crache dedans. Je vais chercher à boire, hein. Je peux pas, mec. Oh, vous abusez là. Mais l'émission, faut animer! Faut que je rince! Ouais, ouais. Faut que je rince! Bon, qui est-ce qui s'y colle là? Bah, vas-y, Roux. Bah, non, mais t'étais bien parti. Bon, j'étais parti, allez, on y va. Mais en plus, ça pue, ça pue. Tu fais d'abord tremper tes lèvres, hein, comme moi. Sois un homme. C'est, en fait, c'est pour flipper après, parce que tu trempes tes lèvres et tu te rends compte du goût que ça a. Bah, arrêtez, ça va. Hein. Oh, ouais. Ah putain. Arrête, t'es un peu en train de bouffer du wasabi. C'est ma mais c'est le wasabi, je le mangerai comme ça, putain. Allez, maintenant, tout d'un coup. Ah, putain. C'est ma tournée, allez. Les gars. Allez. Allez. Un, deux. Allez oh. C'est ma tournée. Ouais, il avale. Oh. Bah, il l'a bu, quoi. Ah, ça fait mal, hein. Ah, oh, c'est dégueulasse. Et franchement, moi, j'aurais pas pu. Il peut plus parler, en fait. Ah ça y est. Avec le cri à retardement. Ah, putain. Eh, à la limite, il boit la bouteille, il va crier demain matin. En tout cas, pour les 3 secondes où il a pas parlé, il devrait en boire plus souvent du vinaigre. Ouais, oh, vous avez remarqué le calme qu'il y a eu. Vas-y, c'est Jack. Dégueulasse. Allez, franchement, je te dis... Moi j'ai juste bu une grosse goutte, c'est... Oh, en tout cas le vinaigre c'est très bon pour les cheveux. Ouais, mais là on le boit. Franchement, ça les rend beaux. Je préfère, ce qui n'est pas le cas, qu'ils viennent blancs. Enfin, faut se faire des shampoings en vinaigre. Hein. Faut pas le boire pour avoir des meilleurs cheveux. T'as pas l'air d'un con avec des shampoings en vinaigre. Vas-y Jack. Jack, il y a pas de verre, tiens, il est là. Voilà. J'allais oublier. Non, c'est déjà pas mal là. Ah, franchement, c'est horrible. Il y a un fond là. C'est horrible, j'ai envie de vomir là. Non, mais je peux pas là. Eh bien, vomis. J'aimerais bien, mais j'y arrive pas. Rien que l'odeur, c'est insupportable. C'est horrible. Vous savez ce que ça me rappelle? Non, ça nous est tous arrivé. L'époque où on avait des poux. Des poux? Ouais, et on te lavait les cheveux avec un shampoing à base de vinaigre de vin. Parce que c'est pareil, ça tue les poux, le vinaigre. Bon, moi, on me rasait le crâne, donc j'avais pas de poux. Y a pas que les poux que ça tue. Hein. Moi aussi, voilà, ça m'a traumatisé. Mais y a la pub qui pousse, là. Ouais, mais t'inquiète, elle a encore du temps. On la retient, là, on a des gros bras. Plus t'attends et plus tu te fais violence. Allez, tu sec, maintenant. T'as pas bu, encore. Il a juste senti. Mais te bouge pas le nez, il n'y a aucun intérêt. Bah, vomis pas. Par contre, si tu vomis, vomis pas sur la table. Hein. On dirait un petit canard. Allez, vas-y, goûte, ça va, c'est rien du tout. Allez bah, ça va, Polo, allez, calme. Allez, Jack, tu sais. Je veux pas. Attends, tu bois bien des pintes. Hein. Bah ouais, mais je peux... Putain. Si, franchement, je préfère le vinaigre que les bières. Le vinaigre, c'est le pire. C'est dégueulasse, hein. Allez Jack, le reste. Pas sur la table de mix. Derrière, pas ici. Elle est derrière toi. Ah ouais, bah attends, parce que j'aurais bien voir la tête du roux, hein, après. Non, ça va aller, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. Il a quoi, t'as vomi? Il a vomi. Pas par terre, assurez-moi. Non, il a recraché le vinaigre, on va le dire. Le parquet. Ah, t'as pas tout bu en plus. Bah non, mais attends, mais c'est... Oh bah non, tout le monde... Bah y'en reste, faut finir, Jack. Franchement, je sais pas. Hein. Allez Jack. Fais-toi un double. Non, arrête, t'es connu. Non, attendez. Un allongé. Ce que je propose, c'est qu'on fasse... Non, mais non. Qu'on fasse le room et après la pub. Allez Jack. Merde. Attends, t'as pris une petite lichette là. Là, t'as rien bu encore. Non, mais c'est bon. Mais moi, le voir tirer au cœur comme ça me donne envie de gerber. Allez, tout, essayez. Attends, je vois rien moi. Vous êtes sadique. Hein. Il a vomi. En fait, il se pose la question. Il se demande, alors oui, non, peut-être, je sais pas, je réfléchis. Pense à autre chose. Son estomac s'interroge. Qu'est-ce que je fais? Bon, allez, roux. Allez, il y a 1-0 pour chaque tard. Ah merde. Nous perdons 0. Nous avons un mort dans le studio. Ouais, attends. Attends, ramène-moi la poubelle en fait. Hein. Ramène-moi la poubelle. Non, arrête. Allez, roux, je te sers. Non, bah c'est encore moins. Non, c'est bon, arrête tes conneries. Putain, vous êtes vraiment des chouchous. Mets-moi la poubelle de. C'est pas chichi. Arrête. C'est mon verre. Allez. Il l'a vu normalement. Putain, c'est fort ce truc. Ouais, ça va. Bah oui, ça va. Mais c'est dégueulasse, par mais. Contre, ah. Bon, alors, ça fait saliver, hein. Oui, oui, oui, t'as remarqué, hein. Moi, ça me fait gerber plutôt. Bon, allez. Ah, oh, oh, le roux est fort. Il a pris un allongé. Eh, je propose Sandra, elle termine la bouteille. Non, non, non. Attends, il y avait quelqu'un qui a craché là-dedans. J'ai craché dedans. Ah, ouais, attends. Allez, hop. Putain, j'allais boire ça, moi. Mais t'es con, hein. Attends, j'y peux rien, c'était dégueulasse. Bon, allez, con, allez, quoi. C'est bon là, oh. Allez, vite, vite, vite. Alors, lui, il a cru que. Allez, allez, allez. Non, mais t'as cru que tu te faisais un verre de vin ou quoi? Oh. Tu sec. Ah, il, oh, la il a voulu, oh, la faire le malin. Vomis pas. Non, arrête. Roux, arrête. Tu... Arrête, Roux. Ah, il a voulu faire le malin. Eh bah, tiens. Ah, ça revient. Ça revient, le roux revient. Arrête, Roux. Ah, son repas repasse. Attendez, je vous mets un peu de son, là. Voilà. Oh, bon, ça ira, là, ça ira, ça ira. Mais non, mais il a fait le malin, il a bu un peu, il a voulu faire le malin, il a voulu faire son roux. Il a mis plus. Il y a Polo qui met la bouteille sous le nez, mais comme le vinaigre, ça pue sa race. Ah, c'est dégueu. Ah, ouais. Ah, putain, là, j'ai la gorge. Micha, Micha, oh, Micha, et il me semble que Micha il rigole beaucoup. Ouais, il rigole beaucoup. Micha, ouais, non. Micha, non, Micha, Micha, non. Non, on va. Tout le monde l'a fait là. Ouais, mais là on non, a. Non, il y a la pub qui pousse là. Si je puis me permettre, Polo aussi c'est bien marré. C'est vrai. Je peux pas voir ça, j'ai des allergies. C'est, c'est ça. C'est... Allez, on va revenir dans quelques instants. Ça va, Roux? Non, ça va pas. Roux? Non, il est pas bien là. Oh, ça va aller. Il est rouge, le roux. Ah, ouais, moi j'en ai chié, allez, putain. Et je le sens dans le ventre. Ouais, bah tu confirmes. Allez, on va revenir dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Tokyo Hotel avec Automatic. Et puis on aura le Clash NTM IAM. On aura le Chéri, je t'ai fait cocu aussi. Si vous voulez vous inscrire au Chéri, je t'ai fait cocu ou au GAV, pardon. 6, 11, 12, débuté par Énergie. Puis vous mettez cocu ou GAV avec votre numéro de téléphone. Et j'ai toujours des lecteurs multimédia à vous filer, des caméscopes numériques ou encore des lecteurs DVD portables. Allez, on se met la pub et on revient après. Bouge pas. Jack continue de réfléchir à pourquoi il a fait un blanc hier soir. Et Mickaël revient juste après ça. C'était Tokyo Hotel avec Automatic sur NRJ. Tokyo Hotel qui sont déjà passés le voir à plusieurs reprises. Il y a les photos qui sont abattées sur mickaël.fm. Les vidéos également, donc vous pouvez aller jeter un oeil hein, si vous voulez, n'hésitez pas. Message qui est arrivé au 612 en débutant par NRJ. Vous êtes des oufs, moi je l'ai fait une fois, j'ai eu mal au ventre pendant une semaine. Non, mais... C'est Marc qui avait envoyé le message par rapport au tournée au vinaigre. Ça pue là en plus. Et mec, ouais, j'espère seulement que... ça pue, mais franchement, j'ai pris une gorgée. C'était déjà violent. Alors vous qui avez bu un quart de verre. Ah, j'espère que ça va pas durer une semaine. Hein. Je pense qu'on va le sentir. Là j'ai mal au ventre vraiment. Ah bah mec, tu vas au moins toute cette nuit à mon avis. Ah, t'as voulu faire le warrior et boire un demi-verre. C'est ça, t'avais bu le verre normal au début, t'as fait le malin, t'as voulu te resservir. Bah mec, voilà. Je vais aller me forcer à faire caca je crois. C'est ça ouais. Bon, et message qui dit, informez-nous depuis tout ce temps s'il vous plaît, quel mec a un rire de meuf dans l'équipe? C'est Pablo. Ouais. Voilà, c'est Pablo des Mexicains qui a un rire improbable dans l'équipe. Voilà. Alors, nous allons maintenant. C'est pas possible, Roux, qu'est-ce qui s'arrive encore? J'ai des relents encore. J'ai cru qu'il allait gerber là. Bon, allez, qu'est-ce que j'allais dire? On va faire le. Enfin, vous allez plutôt faire le. C'est tough là qu'ils sont en train de s'embrouiller depuis tout à l'heure. Là. Bah oui, avec NTM et IAM, le clash maintenant. Non, mais il on est vénère, ouais, yo. Depuis tout à l'heure, ils nous insultent pour NTM. Mais c'est normal, c'est normal. D'où c'est normal? Tu t'es fâché pour prend, rien quand il même. Il se prend pour qui le vieux? Arrête. Oh, le vieux, ça va. IAM aussi son vieux, hein. Oui, c'est vrai, mais ils font pas de clash à la con. Ils font pas des petites phrases. C'est normal, ils véhiculent pas la même image. C'est ça. Eux, ce sont des gens bien. C'est des gens. Eux, ils sont plus pantouflards, quoi. Mais oui. Non, pas du tout. Pas du tout. Ils font encore plein de choses. Regarde, ils sont allés faire un concours. Planète Mike, l'émission rap de référence. Ah ouais. Ouais, eh, ça faisait longtemps, ça fait plaisir d'être de retour hein, pour le Planète Mike. Bon, alors. On peut faire sortir la poule. Bon, qui c'est qui veut commencer là? Vas-y, je vais clasher. C'est lui le vénère, t'as vu? Allez, clasher là. Ouais, c'est ouais, le clash. Je vais clasher comme t'as jamais clashé, tu vas voir. Dans le sud. Il va vous niquer, vous allez voir. Allez, le clash maintenant, c'est parti. Attendez, je demande pardon à Pierre Fitt sur scène d'avance. T'en fais Jack, donc, pour, t'en fais Jack pour NTM, pour IAM et puis Roux et Sandro pour NTM. Okay, c'est bon. Ok, c'est bon, je suis prêt à rapper là. Oh là là là là là. Avec la son. Te faire niquer, vas-y, penche-toi et monte ta croupe. Quoi? Tu vas faire quoi de jouer? Arrête de faire le vénère. Tu peux pas me faire mal, je suis ni un singe ni une hôtesse de l'air. Et quant à toi, coule les chaînes, lâche le micro, on dirait une poule. T'as une haleine de hyène, tu ferais mieux de bouffer un qui se coule. Voilà, voilà, voilà, voilà. Bon, allez, autour de Sandro Lopez. Yeah. J'étais pas prête. S-A-N-D-R-O. NTM, t'as vu? C'est lequel? C'est celle-là ou c'est l'autre, l'instru? C'est celle-là ou c'est l'autre? C'est quoi l'autre? C'est l'autre. C'est ma Benz, tu veux ma Benz? C'est moi, je veux ma Benz. Vas-y, clash les bouffons. Enfin, je crois, du sud. Ouais, c'est celle-là. Studio de poubelle la ville. Ouais, t'as du côté des charges publiques, baby, je te garantis qu'il y a des bennes de dingue. T'entends pas ou quoi, Canada? Ouais, c'est vrai, très vieux à brancher ton sonotone. Dédicace à Miss Amanda au passage. Tu te prends pour un pharaon, mais ta musique c'est qu'un cafard de con. C'est chaud. Remix. Non, rimming, on retourne en arrière. Alors, c'est rewind. Pull up. Tu te prends pour un pharaon, mais ta musique c'est qu'un pharacon. Et je parle pas de Shuriken qui monte sur scène qu'avec sa gueule. T'as voulu clasher NTM, bolos. Changez plutôt de nom, IAM, c'est mort, rappelez-vous, I was. Mais la rime c'était I was. Voilà, voilà. Bon. C'est pas notre métier premier, le rap. Hein. Allez, c'est Jack qui va clasher maintenant, qui bonsoir. Représente IAM et Toff. Bonsoir, yeah. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Oh, vas-y, avec ton accent de merde. Vas-y, clash-nous, nous les Parisiens. Il est venu avec les poubelles. MC Natra dans la place. Bah, sur les bombes, c'est la meilleure phrase que t'as dite. Avec mes collègues, on fait péter la capitale à la dynamite. Joe Star, le premier gangster armé d'un hachoir. On fait une montre avec tout l'or de ta mâchoire. Suprême, vous faites aussi peur que Diana Ross et les Suprêmes. Avec toute chaîne, tout le monde fait pop, pop, pop, pop. Avec Shuriken, tout le monde fait toi, sa petite salope. Et le Bafou, le Jaguar, Bio et 7 pour ma pipe. Venez là, je baisse mon pantalon, taillez-moi une pipe. Voilà, quoi, t'as vu. Oh le bâtard, il nous a Kenny là. Le dernier. Oh là là là là là là. Le dernier. Mais, rassurez-vous, si vous comprenez pas, c'est sous-titré sur votre RDS. Y a pas de problème. Bon, le roux là maintenant. Ouais, t'as vu, on est pas là. On est attends, vas-y, enchaîne là, fous pas la teon, t'as vu. Ouais, il dit que c'est mieux ce que je fais. C'est ça, ouais. Allez, on y va. Vas-y, balance un truc, t'as vu. En base de pop, pop, pop, pop. Pour le hip hop. Yo, je développe. Represent Paris Saint-Germain. Yeah. Ivry. IAM c'est mieux qu'un TM. Mais de qui on parle là? Des bad boys de Marseille. Ou plutôt des abonnés de la carte vermeille. Pour eux la vie est belle, le destin s'en écarte. Avec leur ville poubelle et les vieux qui jouent aux cartes. N'oublie le pastis hein. Eh ouais, chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Groupe en perte, ouais, phase et rime de fille. Faut pas clasher ce qui est inclashable. Même dans la variété française, IAM est inclassable. Alors le problème c'est qu'Assandro qui fait toujours son petit elle, comme ça, elle arrive et fait allez je vais faire des cœurs. Je vais faire des cœurs au milieu de rien mais... Le principal, c'est de le faire. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Le refaire. Vas-y, refais. Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Déjà, l'ai oublié. Ouais. Le bad boys de Marseille. Groupe en perte, phase et rime de fille. Phase et rime de fille. Phase et rime de fille. Très bien. Allez, voilà. Sur cette bonne parole. Je pense que nous avons bien desservi les deux groupes. Ouais, et alors bon, comment on fait pour savoir qui c'est qui a gagné? C'est comme les codes des fans, tout le monde gagne. C'est un DM. Je pense que tout le monde a perdu surtout. Là, ouais, tout le monde a perdu. C'est avec vos groupes de fillettes là. Bon, on va revenir dans quelques instants. Voter par SMS. On va revenir. Oui, oui. Ça nous fera plaisir. Ouais, ouais, bah oui. Ça ne fera pas d'argent par contre. Bon, 612, débutez par énergie si vous voulez. On va faire le GAV, un petit GAV dans un instant avec Raphaël qui est là. Il y a le Shakhtar Donetsk qui a mis un deuxième but aussi face à Toulouse. Donc, bah, ça pue un peu du cul. Même si les Lillois sont revenus à deux buts tout à l'heure à la même période, hein, à peu près. Mais bon, on en parlera tout à l'heure. Et le roux a revomi. Ça va, la laine de bouc. Ah, j'ai mal, là, j'ai très mal au ventre. Ah bah oui, oui, mais non, mais c'est normal. Hein. Le prochain paix du roux, je vous dis pas. Fuyez les enfants. Bon, ça va, roux? Ouais, ça va aller, ça va aller. Ouais, moi aussi, ça me travaille. Ouais. Putain. Tu veux rentrer chez toi, là? Ouais. Ouais, tu vas refoutre. Allez, on revient dans 3 minutes, restez là. Si les experts Miami devaient écouter une seule émission de radio, c'est une excellente question. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Ce serait celle de Michael et sa bande de psychopathes. Michael, 21h minuit, expert en tuerie radiophonique. Bon, 21h minuit, ouais, on est là comme tous les soirs. Vous lâchez vos messages au 612, débuté par énergie ou sur emmickael.fm. Demain, on aura des platines techniques, là, si vous voulez, si vous êtes DJ ou si vous avez envie de vous lancer dans le domaine. Ça peut être pas mal de démarrer avec le haut de gamme. Voilà, on mettra ça en jeu demain dès 21h. Donc, soyez bien là. Peut-être qu'on mettra ça en jeu demain chez Jean-Claude. Ah bah oui, ça fucking lui fait plaisir. On va dans le club discothèque tous les soirs au Fucking Blue Boy. Vous avez remarqué que Leroux connaît le nom, hein, directement. Ah ouais, tout le monde connaît le nom. Ah ouais, je sais. Bon, bah Leroux, c'est le rendez-vous du showbiz. Voilà, c'est le client platinium. Bon, le GAV maintenant avec Raphaël qui est là. Salut Raphaël. Salut toute l'équipe, salut Mickaël. Comment ça va? Salut. Bah bien et vous? Bah ça va bien, ouais. Bon alors, nous allons faire un petit GAV dans quelques secondes là. Comment ça va se passer? T'as prévu déjà l'histoire, tout ça Ouais, ouais. Donc en fait, alors, on va faire comme ça en fait. Je voudrais que... En fait, j'étais mêlé dans une bagarre. Je suis sorti avec un pote, je suis mêlé dans une bagarre. Ouais. Et en fait, quand je me suis fait contrôler par les flics, et ben en fait, ils ont remarqué que j'avais un couteau sur moi. Ouais. Et en plus de ça, plus tard, ils ont remarqué que j'avais du shit. Ouais. Donc en fait après j'appelle ma cousine pour lui demander de venir me chercher parce que j'ose même pas dire ça à mes parents. C'est très bien que si je dis ça à mon père il va me défoncer. Même pour rire il veut pas. D'accord. Donc voilà, ça marche comme ça en fait. D'accord. Ah, donc on appelle la cousine. On appelle la cousine. En fait c'est celle qui m'a éduqué quand j'étais petit en fait. D'accord, ok, très bien, parfait. Comment elle s'appelle? Cydalia. Comment elle s'appelle? Cydalia. Cydalia. D'accord, ok, très bien, parfait. C'est horrible comme prénom. Oh. Non, mais ça fait peur, attends. Mais pourquoi ça fait? Qu'est-ce qu'il y a en bas? Cydalia. Ah oui, Cydalia, oui. Oui, Cida, oui. Ah bah, ça va, même si c'est portugais, écoute, c'est pas une excuse. Bah, et alors Bah, pauvre. Bah, ça va, hein, attends, mais t'enflamme pas non plus. Bon, on va y aller, on est censé être à quel commissariat du coup? Bah, Port-Orly, donc. Alors, on dira peut-être Villeneuve-Saint-Georges. Villeneuve-Saint-Georges? D'accord, ouais. Ok. Je vais noter, parce que sinon, je vais oublier. Ville. Ah oui, donc ça n'écrit plus. Donc Villeneuve-Saint-Georges. Ah oui, oui. C'est important, hein, c'est important pour le reste de l'histoire. Ça n'écrit plus, c'est dommage. Bah dis donc, Roux. C'est le vinaigre, il lui monte à la tête. Ouais, je te jure. Tu vas encore boire un petit verre là? Ah non, je... Alors calme-toi. C'est ça, parce que si on tient et qu'on ouvre ta bouche et qu'on fait couler là, mec, on va se marrer. Hein. Je vais tout vous gerber dessus, vraiment. On a des entonnoirs s'il faut. Ouais, je sais pas toi, Roux, mais moi personnellement, je suis tout pas bien. J'ai les jambes qui tremblent pour te dire. Ouais, mais pareil. Ah, toi aussi, non, mais c'est. Ah, mais ça, c'est, ouais, ça, mais c'est non, clair, attends, vous allez être mal. Hein. Non, mais j'ai les yeux qui se ferment. Mais j'ai l'impression d'avoir de la tension en fait. Ouais, pareil. Ah ouais, mais vous allez. Putain. Il est pas. Mais t'es sérieux là où tu te fous de ma gueule? Non, mais je te jure. Oh, il est périmé sûrement. Quoi, putain? Moi, je sens mon sang qui bat dans mes veines, quoi. Donc, non, je dirais pas jusque-là. Regarde la date, là, sur la bouteille. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Le vinaigre, normalement, ça, c'est pas périssable. C'est à qui ce vinaigre? Bah, c'est à nous, il est dans l'armoire depuis... Oh là là, tof, quoi, putain. Heureusement, il y a écrit sur l'emballage, il est doux et fruité. Tu parles. Bon, on va y aller, Raphaël, on y va, on l'appelle. Bien sûr, on est au commissariat, on est des ripoux, on est des enfoirés, on est tout ce que tu veux. On parle donc, pour toi. Okay. Rappelle-moi vite fait le dossier. Donc, tu t'es fait, t'as été pris dans une bagarre, on s'est rendu compte quand on t'a arrêté que t'avais un couteau. Un couteau sur moi. Un couteau et une barre de shit. Et une barre de shit, d'accord, ok. Grosse barre de shit. Parce qu'une barre. Mais c'est lui qui prenait la parole en premier ou c'est moi ? De quoi tu dis ? Non, c'est toi qui parle en premier. Ok, ça marche. Ok. Allez, c'est parti, on y va, on l'appelle. Bonne chance. Le roux s'installe. Le roux s'installe. Ouais. Je vais reposer. T'es cru chez toi, roux ? J'ai mal au ventre. Tchac, il a du mal. Ouais, je vais pas bien. Ça s'annonce mal. Allô ? Allô, c'est Dai ? Oui. C'est Raphaël, ça va ? Oui, ça va, oui. Hein ? Oui. Mais en fait, je t'appelle, c'est pas pour t'annoncer une bonne nouvelle ? Non. C'est qu'en fait, en fait, je sais pas avec mes parents, parce qu'en fait, je suis au commissariat de Villeneuve-Saint-Georges. Oui. Et en fait, j'étais avec un pote et il y a des mecs qui... On est le téléphone, là. Ils ont commencé à nous chercher. Oui. Et ils ont commencé à emmerder mon pote, en fait. Oui. Donc ça fait qu'on est rentré dans une bagarre, on était à 2 contre 4, tu vois. Oui. Donc on est rentré dans une bagarre et ce qui s'est passé, c'est que là, ils m'ont emmené au commissariat. Oui, il faut quelqu'un pour nous chercher. Donc ouais, je vais pas demander à papa, parce que je sais qu'il a pensé, il va me tuer. On tu veux que Tony l'aille chercher hein. Ouais, mais on verra demain. Hein tu veux que Tony l'aille chercher? Bah ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'en plus de ça, ils veulent une caution pour venir me chercher. Une caution de combien? Bah, ils avaient dit du 800 balles. Les fois, la putain. Wow. 800 euros Ouais. Attends, oh, commissariat 1, c'est Georges. Bah, je sais, mais... Oui. Putain, Raphaël, mais ils sont fous! Oh, je vous enverrai quelqu'un demain! Mais quoi? Non, mais. Normalement. Ouais, non, je t'explique, là, je vais dire tout de suite, c'est parce qu'en fait. Au revoir, monsieur. J'avais un couteau sur moi, en fait. Mais, bon, monsieur, vous couteau, allez pas passer la nuit au téléphone, là, hein, parce que je vois que vous êtes en train de raconter votre vie, là? Non, mais je lui ai expliqué juste. Oui, mais bon. Oui, mais écoute, Raphaël, tu vas être obligé de prévenir tes parents. Bon, qui est au téléphone avec vous? C'est ma cousine. C'est votre cousine? Oui. Pourquoi vous n'appelez pas directement vos parents? On va pas appeler toute la famille, hein? Bah, ça vous regarde pas. Bah, pardon ? Bon, passez-moi le téléphone. Allô ? Oui, bonsoir. À quel honneur ? Vous êtes la cousine, c'est ça ? Si, c'est moi qui ai élevé ce garçon. Oui. D'accord, ok, très bien. Bon, donc il est au commissariat, là, Villeneuve-Saint-Georges. Est-ce que vous pouvez passer le chercher ? Oui. Très bien. Bon, écoutez, vous pourriez éventuellement être là dans combien de temps, là ? Vous êtes loin d'ici ou pas ? Non, pas loin. Bon, parfait. Est-ce que vous avez. comment dire ? Bah, vous savez pourquoi il a été arrêté ? Non, il m'a expliqué parce qu'il avait une possession d'un couteau. Et non. Il a encore arrangé, il a encore raconté ce qu'il arrange. C'est pas la première fois qu'on l'a au téléphone et il a. Hein, c'est pas la première fois non plus. À chaque fois, il raconte ce qu'il veut. Bon, bref, tout ça pour vous dire qu'il a été pris dans une bagarre. Oui. On a été alerté, nous sommes arrivés, nous avons interpellé. Nous sommes payés pour ça. Et bon, on s'est rendu compte après la fouille, évidemment, là, qu'il avait un énorme couteau sur lui, là, plus une barrette de shit. Hein. Ah, d'accord. Voilà, donc, vous savez, c'est ce qui se fume. Hein. Donc, ok. Voilà, donc c'est illégal. Hein. Donc, là, évidemment. Ça, je comprends, je suis contre ça. Plutôt, ah, oulala, bah oui, mais enfin, lui, pas visiblement. Bon, donc du coup, il faudrait éventuellement venir le chercher. Oui. Sachant qu'il est à peine majeur, ce serait dommage qu'il ait un casier, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, voilà, tout à fait. Bah, on est d'accord là-dessus, c'est parfait. Oui, voilà. Donc, ce que je vous propose, moi, j'ai vu ça alors tout à l'heure avec mon chef, là, c'est que, éventuellement, vous veniez. Oui. Mais lui, il me parle, dis-nous, qu'il faut laisser une caution. Alors, c'est pas vraiment une caution. Enfin, c'est pas comme ça qu'on appelle ça chez nous, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Donc, on pourrait éventuellement s'arranger pécuniairement et bien sûr, bon, on mettrait rien dans le casier, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. On fait ça sur la table. Et vous avez déjà des soucis avec lui parce que je connais ce garçon, je l'ai élevé et je pensais jamais qu'il en aurait fait des choses comme ça. Ah, vous l'avez mal élevé alors. C'est pas la première fois ? Ah non, c'est pas la première fois, non. C'est pour ça qu'on est encore gentils. La première fois, on l'a laissé partir sans rien dire en disant il nous avait promis qu'il recommencerait pas tout ça. Bon, nous avons été naïfs et bon, on l'a laissé passer quoi. Hein. Bon, là, il est de retour, donc là, évidemment, comprenez, là, c'est dur pour tout le monde. Hein. Oui, je comprends. Vous savez, nous, on n'est jamais. Voilà, on est fonctionnaire, tout ça, on gagne pas non plus de Laurent Barre, donc c'est pour ça que parfois, on est obligé de se faire un peu d'argent sur le côté, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Voilà, donc si vous venez ce soir avec 800 euros, hop, terminé, on l'a jamais vu. D'accord, oui, mais je trouve ça par pas contre, très bien. On garde la barrette. Hein. Oui, je sais, mais c'est pas très honnête de votre part en même temps, parce que moi, je suis pour le droit chemin, moi. Ah bah oui, non, mais j'entends bien, mais alors nous, on est droit, hein. Je sais, justement, j'ai toujours compté sur la police. Moi, je suis très croyante sur ce que vous faites, oui. Mais sur là, je trouve quand même, non, il a fait une connerie, il faut qu'il paye pour ce qu'il a fait. Je vous confirme. Bon, alors, est-ce que vous pouvez passer le chercher ce soir ou pas? Je vais en discuter avec mon mari, parce que bon, je vais pas prendre une décision toute seule comme ça, parce qu'après, ses parents, si jamais ils savent, ils peuvent m'en vouloir. À la limite, ils sauront pas, hein, on met rien. Bon, écoutez, je vous le repasse deux secondes, un petit instant. Jeune homme, reparlez avec votre copine. Allô? Oui, Raphaël. Ouais. Et Raphaël, il c'était pas en étage. Bah, je sais, mais bon. Parce que Tony, il me dit qu'il veut pas se mettre là-dedans. Hein? Hein? Tony, il a dit qu'il veut pas se mettre là-dedans, Raphaël. Ah bah normal, je comprends. Parce que lui, il sait jamais tes parents, ils sachent. Il sait que nous, on t'a caché, on brise l'amitié que j'ai avec tes parents. Moi, c'est ça qui me fait peur. Tes parents, ils vont nous tourner le dos après. Ouais, mais tu sais, on va faire comme ça. Tu passes les 800 euros et je te rembourserai au fur et à mesure. Oui, parce que j'ai gagné un petit peu d'argent. Oui, je sais, Raphaël. Et après, si tes parents, ils le sachent, qu'est-ce que je vais faire, moi? Bah ouais, c'est mais ça, le truc. Moi, je veux bien te protéger. Mais ça, c'est, tu demandes trop, là, d'un coup. Ouais, je comprends. Moi, je pense que... Non, mais tu vois, c'est un petit truc, j'aurais compris, mais là, c'est quand même grave. Non, mais franchement, mais tu les écoutes, mais ils en rajoutent beaucoup aussi. Hein. Franchement, comment ça, on en rajoute beaucoup, là? C'est-à-dire que vous aviez la barrette et vous aviez le couteau, alors je trouve que 1200 euros, c'est donné. Écoute, Raphaël, je veux dire un truc. Peu importe ce qui s'est passé, je veux pas savoir. Toi, t'as ton opinion, le monsieur, il me dit son opinion. Allez, peu importe. Moi, je dis pour... Et nous sommes la police. Les représentants de l'État. Moi, c'est ça qui me fait peur, c'est pourquoi tu t'es mis dans ce bordel. Mais tu les crois, tu crois eux ou tu crois moi? Je sais pas qui croire, finalement. Moi, tu sais, je m'en fous de ce que t'as fait, je m'en fous de ce qu'il raconte le monsieur. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est l'amitié que j'ai avec tes parents. Parce que jamais tes parents, ils le savent, je vais me faire tuer, moi. Bon, Raphaël. Oui. Raphaël. Oui. Ah bah elle est trop gentille hein, ta cousine hein, qu'est-ce que je te dise? Non, faut appeler son. Elle essaye. Bon, Sidalia. Oui. Bon, reste calme. Enfin non, t'es déjà très calme, mais je veux dire calme-toi encore un peu plus. C'était une connerie. T'es en direct à la radio sur Énergie, c'est pas grave. Mais... Oh putain, il m'a vu. Non mais là, c'est-à-dire qu'on s'attendait à ce que tu t'énerves un peu, mais au final t'es resté très calme. T'avais peur de l'amitié, mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Ben oui. Non mais c'est vrai. Oh, je vais le tuer. Et bon, bah déception totale. Moi, je vais le tuer, ce garçon. Ouais, oh, mais là, pour la peine, il est pas. C'est pas le GAV où on s'est plus marré. Non, c'est pas très très drôle. C'est pas... Malgré l'accent portugais. Oui. Bah, qu'est-ce qu'il a l'accent portugais? Qu'est-ce qu'il a l'accent portugais? Il fait sourire. Voilà. Bon, Raphaël. Merci. Moi, je suis passée en direct. Voilà, exactement, Sidalia. Ouais. Bon, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous repasse chez Micha au standard, d'accord? Merci. D'accord. Bon, salut vous deux. Salut. Ciao. Bon, si vous voulez vous inscrire pour demain, 6-11-12, ce soit JAV ou Chéri, je t'ai fait cocu. 6-11-12, débutez le message par Énergie et puis vous laissez votre numéro de téléphone ou sur mikael.fm. Tu veux dire? J'ai bien aimé le. Mais t'imagines si tes parents ils sachent? T'imagines oui, si tes parents ils sachent? Oui, mais ils conjuguaient bien, c'est juste que savent, ça se dit sache en portugais. C'est vrai. Bon, allez, on va revenir dans un instant. On aura le Mac du jour et puis on va se mettre un petit peu de son aussi. Junior Caldera avec What You Get. Bouge pas. Roux compte ses économies. Il en manque une. Et Mickaël revient juste après ça. Junior Caldera à l'instant, What You Get sur Énergie, 21h minuit, comme d'hab on est là, lâchez vos messages, hein, 6-11-12, ça marche aussi. Qu'est-ce qu'il est con ce roux, c'est incroyable. Il a plus mal, hein. Il a mis brossard. Il a plus mal au vent, il a mis son écharpe en foulard. Petite pièce pour le manger. Bon alors. Bon, c'était l'anniversaire de iTélé. Non. Ouais. C'était iTélé. Donc on a récupéré pas mal de sons puisque c'était la fête à l'antenne de iTélé. Ah, c'était la fête à la télé. Et oui, c'était la fête à la télé. On a sorti les confettis. Voilà, et je pense qu'ils ont un peu picolé. Ah oui. Ah bon? Ouais, on a pris quelques sons, on va vous les passer comme c'est ça, vous allez voir. Un best-of des 10 ans. Voilà, c'est un best-of, ouais. Bon, écoutez le premier son déjà, quoi qu'il arrive. Et comme on dit en Côte d'Ivoire, qui avale une noix de coco fait confiance à son anus. Voilà. Donc, elle est connue. Ouais, c'était l'expression comme chaque jour sur iAfrique. C'est drôle. C'est simple que ça. Voilà. Il y en a une autre aussi. Hein. Et comme ça diminue de 5% l'effrottement dans l'eau, donc une meilleure, vous voyez, il a deux grosses belles jambes. Allez. Je vous laisse là-dessus. Oui, voilà. Ça peut arriver. Bon, deux grosses belles jambes. Ouais. Ce qu'il faut expliquer, c'est que c'était, en fait, il parlait d'un mec qui était en combinaison de natation, en fait, super moulant. Voilà. Ah, d'accord. Et donc, il avait deux belles grosses jambes et deux belles excroissances. C'est un peu ça, effectivement. Des couilles, quoi. Voilà. Bon, sinon, il y avait celui-là aussi. José, vous êtes très ému. Non. Okay. En fait, c'est José Touré, l'ancien footballeur, qui était passé à la télé. Et tu sais, il se faisait interviewer. Le journaliste a cru qu'il était ému alors qu'il s'en branlait. En gros, alors celui-là, c'est celui de Toff. Ah. $1 million pour une pute, c'est cher. Ah bah il a pas tort là-dessus. Hein. Voilà, ouais, c'est ça. Non, ouais. Mais on sent que c'est en plus un vrai journaliste d'investigation. Hein. Il est sur le terrain pour savoir. Hein. En fait, en gros, c'est le journaliste en reportage qui commence son intervention comme celle-là. Quoi. C'est $1 million pour une pute, c'est cher. Sans déconner. Il est à l'antenne. Ouais, pute. Non, mais c'était une citation. Je sais plus quel gars. C'était un politique qui. Il avait. Enfin, je sais plus. Il avait été accusé de quoi. Il disait ouais. Ah, c'est à Toulouse. Dominique Baudis. Non, je pense que je ne dirais pas de mal de cette personne personnellement. Ouais. Mais en tout cas, c'est cher. $1 million, ouais, c'est cher. Ouais. Ah ouais, je te confirme. Bon, ça dépend combien de fois il est passé dessus aussi. Bon, après, il y avait celle-là aussi qu'on avait récupérée. On n'entend pas. Peut-être qu'on va l'entendre dans un instant. J'ai oublié le micro, évidemment. Ah, si. Écoutez, micro, ça ne marche pas. Céline, celle-là, elle est dans un ping pour un petit moment, à mon avis. Hein, Toff. Ouais. Donc la meuf elle est arrivée sans son micro. Non parce que à la limite rigole pas. Oublier de l'allumer c'est moins grave que d'oublier de venir avec. Non mais je sais pas parce que là. Ce qui est grave, non pour le coup, ce qui est grave, c'est pas d'oublier d'allumer son micro, c'est de continuer à parler alors que t'es pas allumé. Tu t'entends pas. Ouais. Parce que je tiens à rappeler, c'est le principal. Je tiens à rappeler une fois de plus que parfois Toff, je coupe mon micro volontairement. Parfois Toff démarre et continue de parler comme ça. Donc il a. Mais oui, mais tout à fait. Mais alors justement. Bon, il faut savoir que nous, on a des casques, donc on s'entend. Parce que là, si je coupe, on s'entend pas. J'entends que je ne m'entends pas. Voilà. Et sauf que Toff, il continue et il parle comme si tout allait bien. Vous avez pas remarqué, mais au tout début de l'émission, j'en ai fait une, mais personne n'a remarqué. Si, si. Donc, du coup, j'ai pas relevé. Si, vu, on l'a remarqué. Mais j'ai pas voulu t'afficher parce que. Non, et puis même, il y a un moment, c'est lassant. Tu vois, à chaque fois, sur la même vanne, tous les jours, tu l'oublies plein de fois de l'allumer. Si tu veux, il y a un moment. Surtout, j'ai pas voulu t'afficher parce que j'ai pas encore reçu ma paye, Toff. C'est pour ça. Oui, d'ailleurs, bon, oui. Sinon, il y avait celui-là aussi. Attention. Mais il est con, quoi. Voilà, ah, donc, c'est à l'antenne ça. Voilà, c'était en direct. Ouais, il y a une voiture qui recule sur la journaliste et manque de l'écraser. Donc c'était sympa, hein, c'est sympa. IT. Toff vient de parler. Voilà. Oui, mais cela c'est parce que Jack me l'avait coupé. C'est ça. Ouais. Bon, encore un ici, écoutez. On peut dire que les incendies. Quoi ? Les incendies. On peut dire que les incendies. Si elle a la voiture caca là, qu'est-ce que c'est ouf. Elle devait être justement sur les lieux d'un incendie. Elle a les fumées qui ont dû lui prendre la gorge. Ouais. Tu sais. Et donc c'était un peu tendu. Bon et puis le petit dernier. Allez. Ah, on s'en fout de l'opotrie. Je regarde les arrivées. Voilà. Donc ça c'était un journaliste en direct qui était un peu comme Sandro, bourré, et qui s'est dit tiens je vais chanter la Marseillaise. Ah, mais donc c'est pas un journaliste qui intervient. Ah, non, c'est un journaliste. C'est un vrai journaliste qui chante ça. Ah oui. Ah oui. Ah oui, remets-le. Ah bah oui. Ouais. Mais si t'étais pas maniaque. Bah c'est ouais, ça. Remets-le. Ah on s'en fout de l'opotrie. De l'opotrie. Jour de gloire, l'est arrivé. Oh, le journaliste, caveau quoi. De merde. De merde. C'est pire que les journalistes de Groland. Voilà, donc c'était l'anniversaire de iTélé. Et puis bon anniversaire à iTélé. Happy birthday. T'as offert un cadeau ou pas? À iTélé? Ouais. Oui, je la regarde. Ouais, c'est vrai. Ouais. Enfin, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse leur faire. Ouais, mais enfin, que tu regardes spécialement. Il n'y a pas beaucoup de pubs sur iTélé quand même. C'est vrai. Bon, dans un instant, nouveau son Rock US qui déchire. Vous allez m'en dire des nouvelles justement. C'est quoi? Vous verrez dans quelques instants. Bah, vous verrez. C'est quoi, son Rock US? Non. Et puis, au niveau des scores de foot, puisque les matchs sont terminés maintenant, qu'est-ce qu'il y avait? Bah, Toulouse a perdu. Ouais mais donc c'est que partie remise. Ça c'est dommage. Benfica a gagné 2-0, ça fait plaisir. Bruges a gagné 4-2, ça fait plaisir aussi. C'est normal. Voilà, il y a quoi d'autre aussi? C'est tout je crois. Lille a perdu tout à l'heure également 3-2. Et puis voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour de tout là, non? T'as oublié de nous dire c'était quoi le son US? Ah oui, Anderlecht a gagné 3-1 également. Oh, le groupe Anderlecht. Et le Sporting Portugal a fait un nul. Et Apoel Tel Aviv. Et Apoel Tel Aviv a gagné 3-0. Bravo Apoel. Mais pourquoi tu mets ça sur ta tête, Roux? Je fais ce que je veux. Bah oui, parce qu'il est beau comme ça. C'est incroyable. Franchement, non. Parce qu'il a mis son, il a mis son écharpe, là, son foulard sur la tête. Ça ressemble à rien. Bon, on va passer au mag. Je tiens à préciser quand même que le but de Shakhtar Donetsk, c'est un but de gay. Shakhtar Donuts. D'accord. Très bien. Bon, bah en tout cas, ils ont gagné, quoi qu'il arrive. Allez, on va passer maintenant au Mac du jour. C'est parti. Bienvenue dans ce Mac du jour. Un tour de l'actu condensé et revu à notre sauce. On attaque avec le premier titre de ce jeudi 5 novembre 2009 et l'expulsion d'un couple de sans-papiers qui crée une nouvelle polémique. Mais pour une fois, le scandale ne vient pas de la séparation avec les enfants, ni même du fait que l'expulsion séparerait les deux amants, l'un partant pour le Cameroun, l'autre pour la Chine. Non, non, c'est uniquement parce qu'ils sont homosexuels. Ah ouais. L'ensemble des associations de lutte contre l'homophobie ont demandé leur régularisation immédiate. Ouais, bah si ça marche, la communauté gay risque de s'agrandir très rapidement. Non mais il y a Bertrand Delanoé, hein, il a tout de suite dit qu'il était prêt à les accueillir à la mairie de Paris. Bah, géographie maintenant et le drame du Mont Blanc. Le CNRS vient de rendre public les nouveaux relevés du plus haut sommet d'Europe et celui-ci a perdu 45 cm, passant de 4 810 m 40. Mais ce n'est pas le plus grave. Hein. Il s'est aussi déplacé de 26 mètres, se rapprochant dangereusement de la frontière italienne. Le Mont Blanc pourrait donc passer propriété italienne dans les années à venir. Et ben encore un qu'Éric Besson aura réussi à expulser. Passons à la politique et Nicolas Sarkozy qui remet un peu d'ordre à l'Elysée. Il aurait demandé à Carla Bruni de ne plus prendre de position sur les sujets politiques. Demande qui semble avoir été comprise puisqu'elle n'a pas réagi à la polémique de Frédéric Mitterrand ni au plan cancer annoncé la semaine dernière. Ah, enfin, on revient aux vraies valeurs de la France, la femme au fourneau. Non. Moi j'avais bien une autre idée pour qu'elle arrête de parler. Mais bon. C'est la première dame de France. Bon, d'ailleurs, on va rester en France pour le sport avec la réunion de crise chez Renault. Après l'annonce du retrait de Toyota, le PDG de la marque aux Losanges ne sait pas s'il va garder une écurie en Formule 1. Il a toutefois promis de donner une réponse avant la fin de l'année. Ouais, enfin, fallait s'y attendre. Sans Flavio Briatore pour arranger les courses, Renault aura beaucoup moins de chance en F1. Et c'est justement la raison pour laquelle nous avons Flavio maintenant avec nous pour commenter cette décision. Bonsoir Flavio. Oui, mais quel, alors c'est la merde chez Renault. Hein. Oui, non, alors c'est juste qu'ils ne savent pas s'ils vont garder une écurie en F1 ou simplement fournir des moteurs. Bah, c'est bien ce que je dis, c'est la merde. Sans moi, Renault, F1, c'est rien, t'as fini tout, tu comprends? Oui, enfin, j'ai eu un petit peu de mal. Bon, c'est vrai que vous avez été un grand patron pour l'équipe Renault, mais vous avez triché quand même. Bah oui, moi, tout connaît Silvio, comme il dit, c'est ça l'Italie. Bah oui, je sais. J'avais essayé d'acheter, mais il y a tellement d'argent en Formula 1 que personne ne voulait se faire payer. Ouais. Alors j'ai organisé un petit accident, mais j'y regrette. Ah, vous admettez que c'était mal et que ça se faisait pas? Bah non, c'est juste que j'ai dû casser une voiture, alors que si j'avais fourni des poutres pour fatiguer les autres couleurs, personne n'allait à vous. Ouais, c'est vrai. Bon, merci Flavio, hein, vous êtes vraiment irrécupérable, c'est improbable. Ciao. Allez, ciao. Bon, équipe de France maintenant. Raymond Domenech a donné cet après-midi sa liste de joueurs retenus pour affronter l'air les 14 et 18 novembre dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde. La seule surprise vient de Sissoko, le latéral gauche lyonnais préféré à Trémolinas, le bordelais. Et il a expliqué comment il avait fait son choix, Domenech? Oui, par ordre alphabétique. Non, mais c'est pas une vanne, hein, c'est vraiment ce qu'il a dit, par ordre alphabétique. Ah oui, ah, c'est ouais. Chaud, là. Ah oui, ah, je te confirme, ouais. Et on pourrait croire qu'on a déjà eu fait le compte du jour, mais non, on y arrive maintenant. Domenech, c'est que t'as pas besoin de chercher des vannes. C'est clair. Je fais tout seul. Bon, on va faire le con du jour, mais maintenant direction les USA avec le roux qui nous a dégoté. Le con du jour, une histoire de taf apparemment. Ouais, et ça nous est tous arrivé. On se lève le matin, pas envie d'aller bosser, on s'invente un rhume et hop, c'est réglé, j'en ai DVD quoi. Ouais, très bien, jeune, ça sera retenu sur ta paillon. Non, mais moi, je fais que rapporter. Ouais, c'est ça. Donc, bon, parlons de mon compte plutôt. Aaron Siebers. Siebers. Yeah. En fait, il bosse dans un vidéoclub. Toute la journée, il voit défiler des mecs qui ont rien d'autre à foutre que de venir louer des films d'horreur ou des films de boules pendant que lui, il attend à rien foutre. Oh, c'est un boulot pour Mike, ça. Exactement, ouais. Allez, vas-y, continue, Ro, avant qu'elle perde le sien, là. Bref, Aaron, on a un peu marre de Aaron. Aaron. Ouais, c'est vrai, il est américain. Aaron. On a un peu marre de son taf, mais ce jour-là, il se passe un truc de ouf. Et ouais, il y a une actrice porno qui vient chercher son propre film. Oh, il faut toujours qu'il arrive avec ça, c'est incroyable quand même. Bon, bref. Bon, allez, on va dire. Hein. Ça n'a rien à voir, déjà. Oui. Donc, Aaron Siebers appelle la police. Donc, il est en panique, il a besoin d'aide. Il vient de se faire poignarder sur son lieu de travail par trois skinheads. Oh putain, alors qu'est-ce qui s'est passé après? Bah, en fait, c'est ce que la police essaie de comprendre en arrivant. C'est-à-dire ouais. Que Aaron, la jambe. Aaron a la jambe en sang et plein de blessures sur le corps. Ouais. Les flics lui posent des questions et lui il a l'air un peu perturbé quoi. Oui. Tu me diras, en même temps, c'est normal, hein, tu viens de te prendre des coups de couteau par des skins, tu vas pas faire la teuf, quoi. Oui, à part que ses propos sont incohérents et qu'au bout de quelques minutes à peine, il avoue aux flics s'être planté lui-même. C'est ouf. Ah ouais, bah, il est bien touché le mec quand même, hein. Mais pourquoi il a fait ça? Il est complètement con. Eh bien, si cet employé de vidéoclub s'est poignardé puis roué de coups tout seul, c'était simplement pour avoir un arrêt de travail. Ah oui. Quel abruti, c'est sûr. Ouais, mais c'est pas de sa faute, il a juste vu trop de films en fait, c'est ça, hein. Ouais, un accident de travail. Ça doit être en tout cas, il aurait eu son arrêt maladie. Ouais. C'est clair, ouais, définitif d'ailleurs. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Merci Roudon pour ce beau con du jour, hein. Il est temps maintenant de passer au truc du jour. Aujourd'hui, je vais aider tous ceux qui prennent un abonnement à la salle de gym pour se donner bonne conscience. Eh bien, vous pouvez arrêter, ça ne sert absolument à rien. En effet, plusieurs études ont montré que faire du sport n'entraîne pas forcément une perte de poids. Le dernier exemple, donc, une étude parue dans le British Journal of Sports Medicine, pour laquelle 58 personnes obèses ont suivi 12 semaines d'entraînement d'aérobic bien encadré. Bah, sans pour autant changer leurs habitudes alimentaires. Et en moyenne, les sujets ont perdu à peine 3 kilos. C'est tout. Et, ouais, et beaucoup n'ont vu leur poids diminuer que de 1,5 kg. Oh putain. C'est pas énorme, hein. Moralité, pour perdre du poids, il faut bien manger. Pourquoi tu me regardes, hein? Je mange bien. Je regardais l'horloge, il peut rien, moi, t'es devant. Ah, tu bouffes bien. Hein. Ah. Et pas que de la merde, en plus. Et pas que de la merde, c'est vrai, ouais. Voilà, donc c'était le Mac du jour. On va passer au... quiz, la citation. Au quiz. Jack, on va manger dans un fast-food plus, si tu veux pas McDo, tu vas où? Chez Burger King, connard. Non, en France, il y en a pas en France. Hein. Vas-y, dis. Chez Pizza Hut. Non, un fast-food. Avec des burgers. Nickel, adore. Hollywood Canteen. Non. Pas le tringue, va. Bon, allez, okay. On va se faire le quiz du jour maintenant. Qui a dit « Je suis sexy et je vais montrer ce que Dieu m'a donné et les atouts que ma mère m'a donné » La mère du roux. Ta race, va. Ta sœur. Donc c'est une femme. Oui. Mimi Mathy, hein. Non. Non. Bah quoi? Geneviève de Fontenay. Non. Elle est ricaine. Ah, elle est ricaine. Paris Hilton. Michelle non. Obama. Angelina Jolie, hein. Non. Petit indice, et c'est là que vous allez trouver facilement, tellement ils ont été nombreux à venir. Elle n'est jamais venue dans l'émission. Super. Britney Spears. Non. Rihanna. Non. Ah, c'est pas Rihanna? C'est une chanteuse ou une actrice? C'est une chanteuse. On n'est pas à la brique solide. Ashley Simpson. Non. Miley Cyrus. Non. Jessica Simpson. Non. Ashley Simpson. Pink. Allez, un autre indice. Une de mes ex. Katy Perry. Non. Katy Perry. Katy Perry. Je lui dis avant lui. Ah ouais, entendu, et bah, tu l'as dit sous moi, désolé. Sous moi. Bon, elle dit « Je comprends que les mariages dans le milieu du show business ne sont pas comme ceux des autres gens et j'étais totalement consciente de la réputation d'homme à femme de Josh lorsqu'elle s'est mise avec lui. » Voilà, tout simplement. Ah bah oui. Eh oui. Bon, suivant donc maintenant. Hein? Non, je pense que tu as mélangé. Oui, je pense que la réponse est Fergie. Ah oui. Ah oui. Non mais quel est le trou du cul qui a fait? Je pense que c'est toi. Hein? Non, et tout est mis dans le mauvais ordre. Non mais c'est pas l'autre. Mais si, attends, mais Sandro elle connaît, vas-y, elle a qu'à le faire, elle connaît les citations, attends, de tout le monde. Celui-là il va là, celui-là il va là. Attendez, il faut que je fasse des lignes. Attends, donc ça fait ça. Ah voilà. Attendez, parce qu'il fait ses mots croisés là. Mais non, mais je comprends rien. Je comprends rien, bah je suis désolé, je comprends rien. Mais regarde les phrases comme une relation. Mais oui, avec mais il n'y a rien qui ne correspond à rien là. Enfin. Fais voir. Bon, qui. Ah voilà, ça y est, c'est bon. Donc celle-là c'est bon. C'est... Bah non, tout était bon en fait. Hein. Oh là là, mais c'est quoi cette équipe là? Bon, c'était Fergie, ouais. Donc tout était bon. Qu'est-ce qu'elle a dit, Fergie? Je sais pas. Elle a rien dit. Bon, qui a dit le fond... Mais non, mais c'est pas fait comme d'habitude. Moi, non. T'as un pète au casque, Mike. J'ai mes habitudes, Roux. Non, mais ça, c'est le vinaigre. Ah, mais voilà, c'est ça. T'en as bu trop. C'est tes habitudes de petit vieux. Bon, allez. Citation et la réponse en dessous. Qui a dit? Non, il n'y a pas marqué qui a dit, ça m'a perturbé. Parce qu'il n'a pas sauté une ligne là où il fallait. Ça t'a perturbé. C'est ça. Pas du mec. C'est vrai. Bon, allez, qui a dit? Katy Perry. Non. Bah, Fergie. Non, nos fantaisies. Non, je vais zapper les deux là, ça m'a saoulé. Nos fantaisies sexuelles ne connaissent aucune limite. Écrit-elle, afin de ne jamais faire retomber l'excitation. On a tout essayé, on voulait vivre une extase maximum dans le court laps de temps qu'on avait. C'est la mère du roux. Non, c'est Laurent Ruquier. Oh le bâton. T'as vu ce qu'il a dit? On a tout essayé. C'est Laurent Ruquier. toi parce que Jack me parle d'une autre conversation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a avec les poules? Bon, alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a la réponse là? Bah, quoi, qu'est-ce qu'il y a la réponse? Bah, donnez la bonne réponse. Bah, Christine Bravo. Non. Attends. Je suis con, j'aurais dû regarder quand je suis allé voir. Bon, alors? Mais donne un indice. Oh là là. Ex-Madame Stallone. Bah, encore moins. Je sais pas. Stallone. Sigourney Weaver. Non. Ah, Brigitte Nielsen. Exactement, bonne réponse. Oh oui, d'accord. Fort, Jack. Ouais, ouais. Mais la grosse culture. C'est ça, t'as raison, ouais. Bon, bah très bien, voilà. C'est tout donc pour ce. C'était sympa. Oui, ouais. Aujourd'hui c'était un peu n'importe quoi. C'est tout pour ce Mac du jour. Un autre Mac du jour, un autre jour. Voilà. Bon, allez, on va passer dans un instant au son US. Que nous allons mettre dans le quoi nouveau c'est son, quoi, US son US avec un son américain. Quoi la musique? Merci, ça chante en American. Bien ouais, c'est We Shot the Moon. Et le titre We c'est Shot the Moon. We Shot the Moon et le titre c'est Red Night. We Shot the Moon. C'est une reprise? Non. Avec Red Wine. Non. Donc We Shot the Moon avec Red Night. On met ça dans un instant juste après la pub. À vous de nous dire. À vous de nous dire si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Il faudra faire ça au 612 en débutant le message par NRJ. Ah. Bon, Micha, qu'est-ce que vous faites là encore, là? Le standard, il est là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Pour une réclamation. Ouais, c'est ça, ouais. Il passe sa vie à réclamer. Qu'est-ce que c'est, quoi ta réclamation? Non, plus tard. Bah, très bien. Bon, on revient dans un instant, restez là. Bouge pas. Tof part dans une exploration plus profonde de ses narines. Et Michael revient juste après ça. Voilà le son, donc nouveau son rock US avec We Shot the Moon, ça c'est le nom du groupe, avec Red Night. Mais qu'est-ce que vous avez avec ça? C'était c'est mieux l'inverse. We Shot the Moon. C'est mieux de s'appeler Red Night que We Shot the Moon. Ou oui, bah, the moon. Écoute, je le redirai. Ah bah ça marche. Voilà. Et tu le bon. Rediras, je suis pas content. C'est ça, ouais. Plein de messages qui sont arrivés d'ailleurs au 612 qui disent j'adore, je connaissais pas, merci, t'as vraiment de bon goût. Oui, je sais, Elodie. J'adore, gros bisous, c'est Camille qui avait envoyé le message. Trop bien le son, fan de rock, est-ce que tu peux passer Let's Go Out to Here de Madina Lake. Non, parce que j'ai Claude, j'ai Pandora qu'on mettra et que je vous avais fait découvrir il y a deux ans, un truc comme ça. Ils étaient d'ailleurs passés nous voir, hein. Ils avaient joué en live dans l'émission avec batterie, avec guitare électrique et tout. C'est à mater bien sûr sur mikl.fm. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas du tout. On va faire la suite du best-of d'ITélé. Ah oui, oui, pardon. Oui, bah ça va. Hop là, excusez-moi, je fais mes feuilles. C'est bon, les lignes sont en face de, des. Je suis en train de tout ranger là. Un guronzan peut-être. Pas du tout. Non. Par contre, le roux est chaud pour du vinaigre. Il a sa petite bouteille à côté de lui là. Ah bah le roux il kiffe. Hein. Allez, roux, un tu petit es le chef verre. De cette émission, si tu veux lui en faire boire, tu peux. Eh ben, je préfère que tu en boives toi. Bah si tu veux, mais vous savez très bien que ça me fait rien. Ouais, mais non, mais il faut que t'en boives. Non, un ça peu c'est plus. Le crachat. Tu ah non, oui, ça c'est une nouvelle. Excusez-moi, il reste la bouteille là. C'est ça, c'est un nouveau. Non, attendez, j'avais oublié Micha. Micha. Non, si j'insiste. Ah oui, c'est bon, on a oublié Micha. Une petite goutte. Non. Viens là. Non. Une petite goutte et je parlerai avec Tof ce soir de ce nom, tu sais. Non, mais montre que tu es chaleureux, il y a un public qui est là, donc c'est l'heure de déguster. Non, mais justement, je préfère que ce soit toi. Non, mais non. Allez, j'insiste. Je peux pas. Allez. Pas avoir d'augmentation. Ah, alors on peut s'arranger. Il avait rien compris en plus, je le dis, on pourra parler avec Tof de ce dont tu sais, c'est pas. Et tant mieux. Allez bien, Micha. Bon, j'arrive. Allez bien. Entre nous, parler, ça veut pas dire. Non. Allô. Allô. Voilà. Vraiment des chiens. Il est là. Il est là. Allez, bon appétit, hein. Donc c'était l'expression du jour, on l'a fait tout à l'heure, c'était tourner au vinaigre, donc on a fait tourner le vinaigre. C'est pas le verre où t'as vomi. Non, c'est pas celui dans la poubelle. On est con, mais on ferait pas ça. Non, j'ai pas bu dedans. C'est Sandro et moi qui avons. Ça a pu c'est la vieille vinasse qui a 40 ans. C'est du vinaigre, idiot. C'est du vinaigre, donc c'est le concept. Allez, cul sec maintenant. Mais ça passe bien. Ouais. Il boit ça, c'est comme du pinard. Il dit que ça passe bien pour pas qu'il ait tout le verre à se taper. Maintenant, non, tu bois le verre. Non, ça va. Alors, bois le coup, c'est cul sec. Ça commence à monter ça à la merde. Cul sec. Tu vas voir quand tu l'auras bien vu. Ça va être stocké dans ton ventre. Mais oui, mais ça passe bien, hein. Ça passe bien. Alors, oui, mais maintenant, tu chantes une chanson. Allez, la bite à Dudule. Non. C'est la grosse bite. Non, ça va, Micha, au standard. Allez hop, c'est parti, c'est bon. Allez, c'est le putain. Non, ça ira. Vas-y, chante une chanson de. De chez toi. Ah oui, de Normandie. De Normandie. Merde. De quand? Oh là là. Putain, merde, j'ai oublié. Faut que je parte direct après l'émission, ça. Ah merde. Merde, on pourra pas parler du cas de Micha avec toi. Ah, c'est oh, il est parti. Bah, parfait. Très bien. Confirme la porte et qu'il reste dehors, ce sera parfait. De toute façon, c'est pas pour ce qui décroche le standard. comme vous pouvez le remarquer. Tu sais que je reçois des SMS, j'ai reçu des mails tout à l'heure, me disant oui, machin, faudrait que je passe à l'antenne et tout. Je dis mais appelle Micha. Bah non, j'appelle tous les soirs, ça sonne dans le vide. C'est dingue quand même. C'est énorme. Non, c'est non, non, c'est pas dingue. Hein. Non, ouais, non, c'est complètement normal. C'est Micha. Ouais, je sais. Bon, on fera QPR dans quelques instants. Surtout, ne jouez pas avec Sandro. Et si vous voulez jouer, donc, je vous rappelle qu'il y a des DVD portables, des caméras numériques ou encore des lecteurs multimédia Denelec Music Touch à l'occasion de la sortie de la loi de Murphy avec Omar et Fred et Jonathan Lambert depuis hier dans toutes les salles avec énergie. Et quant à moi, je tiens à rappeler à Sandra qu'elle doit écrire un QPR pour lundi. Oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Et je tiens aussi à rappeler, parce que sinon je vais oublier, que Koï nous doit nous payer à bouffer. Un dîner. Ouais. Ouais, il doit un resto. Surtout à moi, après le reste. Non, t'as dit à toute l'équipe. Oui, mais enfin bon, si après il arrive en disant écoute, j'ai pas l'occasion de. Je dis ok. Si, il a. Ah, c'est bon, on divise le repas d'une personne pour 12. Ah non. Chacun sa mère. Oui. Chacun mange une feuille et c'est bon. Voilà, voilà c'est ça. Ouais. Ouais, si jamais on a un livre à manger. Et en plus, ils vont forcément servir du pain à table, donc c'est bon. C'est ça, Sandro va bouffer tout le pain comme d'habitude et on sera tranquille. Bon, toujours l'anniversaire de iTélé. Et donc pas mal de sons également. Oui. Bah je note que je dois faire le QPR lundi. C'est ça. Bah si, regarde sur mon agenda. Je vais le noter. Et tu commences QPR par dent. Non, c'était aujourd'hui. Ah, dent. Au lieu de dire dentiste, non, dent. Parce que j'ai pas été chez le dentiste. C'est un... Ah ouais, alors ta gueule. Je devais aller boire pour une dent. Zap le dentiste, va direct au dermato. Alors ça, tu vois, Jack. En fait, c'était vraiment très vilain. J'ai trouvé un mec qui combine deux trucs en même temps, dermato, nutritionniste. Vous êtes dégueulasse, franchement. J'ai perdu 10 kilos. Là, je suis en train de faire un traitement pour ces boutons. Et en plus, je gère ma dent. Je gère ma dent. Non, mais qu'est-ce que ça nous fout? C'est pas comme si on avait une chance. Je veux dire, vous moment... trouvez encore le moyen de vous plaindre? Je fais des efforts et tout. Oui, mais et non, déjà, vous êtes jamais contente. Non, mais déjà, c'est moi qui me plains parce que t'en as plus du côté droit que du côté gauche. C'est pas vrai. Comme j'ai ton profil. Alors, c'est pas vrai, je les ai comptés et j'en ai un de plus à gauche. Non, mais déjà, voilà. Déjà t'as le pull de top. À droite, il y en a 10 et à gauche, il y en a 12. Il se passe quelque chose avec toi ou quoi? Je pensais que t'avais plus. Comme tu mets son pull, il y a un truc qui se passe? Non, j'avais froid. Parce qu'au rentaine, j'ai entendu dire qu'il est passé à la maison ce week-end. Ouais. Bah c'est parce qu'en fait si tu regardes bien juste au niveau de sa chatte il y a un gros gros avec écrit test me dessus. Quoi? Avec écrit test me dessus. Ce qui veut dire essaye-moi en non, anglais. Taste me, c'est dire goûte-moi. Bah, goûte-moi. Oui, bah... Ouais, mais c'est comme ça l'arrange. Hein. Bah, goûte-moi la chatte ou teste-moi la chatte, c'est pareil. Par hein. contre, je crois top ça que tu top. T'es trompé de chatte si je puis me permettre. Non, non, c'est la tienne, regarde, c'est écrit dessus. Il regarde. Ah oui, bah oui, c'est sur son suite à lui. Oui, c'est sur son suite à lui. Ah oui, d'accord, OK. Bon, si on passe à autre chose. Ouais. Bah oui. Très bien. Alors, donc toujours l'anniversaire d'iTélé et toujours quelques petits sons, bien sûr, que nous avons chopés de cet anniversaire d'iTélé. Écoutons ça. Comme promis, rendons-nous à Sarkozy, à Marcoussi, pardon. Voilà. Bon, c'était bien essayé, hein, mais il n'a pas encore donné son nom à une ville. Non, mais il a déjà des rues, par contre. Oui, c'est vrai qu'il a des rues. Ouais. Mais il y avait un village aussi qui s'appelait Carla et Bruni. Carla et Bruni, ah oui, ça. Elle a été invitée. Bah oui, j'espère. On ne sait pas si elle ira. Bah les deux villages vont se rapprocher. Ah bon? Alors, non, ils vont se jumeler. Ils vont se jumeler, c'est vrai. Ouais, c'est parce que rapprocher deux villages, c'est difficile. Eh ben, on démonte tout d'un village, on ramène sur l'autre. Non, je crois qu'en fait, c'est... Attends, peut-être que je dis une connerie. C'est vraiment jumelé, t'es sûr? Oui, c'est jumelé. Ouais. Jumelé, ouais. Ah, moi, je croyais qu'en fait, ils allaient devenir un seul village, non? Parce qu'ils sont pas à la frontière l'un et l'autre. Ah, je croyais que c'était la frontière. Mais non, ils sont pas là. Je dis qu'Alain Bruni a plutôt l'habitude de les écarter plutôt de les rapprocher. Ça n'engage que lui. Alors là, il y a écrit Rouge, je t'ai laissé une vanne. Il m'a écrit la vanne et c'est signé Toff. Alors. T'as une preuve de ça? Ouais. Et il y en a plus. Si, j'ai mis la feuille. T'as, c'est con parce que tu viens de niquer toi-même. Là. T'es vraiment bête. Voilà, donc ça n'engage que vous deux. Non, que lui, attends. Ça n'engage que vous deux. C'est celui qui l'a dit. Il y en avait un autre. Qui dit qu'il est. Il y en avait un autre de son. Il y en a plusieurs d'ailleurs pour cet anniversaire. Hier, l'ONU a exigé que le tigre tamoul dépose les branches. Les armes, excusez-moi. Les branches. Je rends les branches. Beaucoup d'armes, ils se battent comme ils peuvent. Le grange. T'imagines, ils attaquent avec des branches. Bon, sinon, il y en avait d'autres aussi encore. Merci Fabien pour toutes ces infos. Moi c'est Nicolas, mais vous pouvez m'appeler Fabien. Nicolas, ça c'est horrible. Ça c'est le pire truc. Ouais, c'est ma pire terreur quand je reçois des invités. Quand ils sont tout seuls, ça va. Mais dès qu'il y en a plusieurs, genre un groupe, je n'ai aucune mémoire. Et j'ai beaucoup de mal à retenir les prénoms des gens. Et pourquoi tu fais... Vas-y, pardon. Tu leur colles pas des autocollants à chacun, tu sais. Hello, my name is. Non, mais à l'école, on écrivait le nom sur un papier comme ça et on le mettait devant. On le mettait devant. Il y a déjà pensé, puisqu'il a demandé à son équipe de faire pour une interview. C'est-à-dire d'avoir une feuille blanche avec les photos des gens et leur nom en dessous. Bah non, mais c'est mieux, c'est vrai. Non, mais franchement, c'est vrai que c'est mieux. Je crois qu'il s'est trompé quand même. Non, avec ça, je me suis pas. Ah, il y en a qui s'est coupé la frange, du coup, ça fait perturber. Non, oui, bah déjà, tu sais, il n'est qu'un bonnet ou quoi, c'est la merde. C'est par terre quoi. Bref. Ce qu'on fait parfois, c'est qu'on lui donne des infos vestimentaires. Le mec à la chemise rouge, c'est machin. La meuf avec le bonnet, c'est machin. Non, mais c'est clair. Mais c'est franchement, c'est le pire truc qui arrive, c'est quand tu te trompes de prénom quoi. Ça t'est déjà arrivé. Oui, je sais plus avec qui, mais ça m'est déjà arrivé. Ou alors parfois quand ils sont nombreux et que j'ai du mal avec les prénoms, du coup je fais toi. Alors alors je fais ouais. Et donc Michel, toi t'as commencé comment? Et je regarde les quatre. Comme ça, je suis sûr. Parce que si je regarde le mauvais, déjà faire ça souvent. Ouais, parce que si je regarde le mauvais, qu'en fait Michel il me répond qui est derrière moi, il me dit ouais bah alors j'ai commencé comme ça, bah j'ai l'air bien con. Donc, ouais voilà. Donc il y avait d'autres sons aussi au niveau de l'anniversaire de l'Itélé. Hein. Bonjour Colombe. Bonjour Olivier Beckenbauer. Elle nous a fait une tofferie là. C'est ta sœur Toff. Ouais. J'aimerais bien. Bonjour Olivier Beckenbauer. Excusez-moi. Ouais, parce que Toff c'est ça par exemple. Bientôt il va s'attarder. Laisse tomber. Voilà. Mais celui-là j'ai presque l'impression qu'il est pire. Hein. Bonjour Colombe. Bonjour Olivier Beckenbauer. Excusez-moi. Voilà. Non, il est pas pire. Il y a celui-là aussi chez Toff. Hein. Ouais. Enfin, franchement, enfin, je sais, ton préavis, elle est. Voilà, ou alors celui-là aussi. Je crois que c'est celui-là. C'est le meilleur. C'est le number one. Parce qu'il faut quand même savoir, ça date d'il y a 3-4 ans ce truc-là. C'est quand, à l'époque, on suivait, je sais pas pourquoi, l'Euromillion. Et donc, on était en train de parler avec je sais pas qui. Et donc, moi, j'avais la télé derrière moi. Et Toff, donc. Comme si, je sais pas moi, tu sais, on allait rater le train. Aïe, ah, il y a Sophie Favier à la télé. Et donc, pour nous dire ça, il dit ça. Mais enfin, franchement. Non, merde, non, pardon. Et j'ai compris. Le pire, c'est que t'as compris ce qu'il voulait dire. Ouais, mais lui, c'est là que c'est très fort. J'ai déjà remarqué, moi, même avec les auditeurs, il arrive à comprendre les trucs que jamais personne comprendrait. Ah, bah oui, bah c'est vrai, je sais pas. C'est pas forcément un compliment. Non. Bon, il y avait d'autres sons encore. Bon week-end pour les représentants français avec 6 victoires sur 7. Et c'est un cousin de Toff cette fois-ci. 6-7. Vas-y, Roux. J'ai pas écouté. Bon week-end pour les représentants français avec 6 victoires sur 7. Alors 6 victoires sur 7. Oh, ça va. Il veut dire 6 succès, mais après il dit victoire quand. Il veut dire 6 succès sur 16. Enfin bref, il dit de la merde quoi. Il s'est pris la tête le journaliste. Hein. Quand il a écrit son truc, il aurait dû réfléchir avant. Bon, et qu'est-ce qu'il y a où? On aime bien, on est content. Alors enchaîne. Bon, bah tant mieux, alors très bien. Bon, l'anniversaire d'Itélé avec encore un son que Leroux nous a réservé. Des volontaires quadrillent les quartiers de la ville à la recherche d'éventuels survivants. Survivants, pardon. Oui. Alors, c'est bien l'anniversaire d'Itélé, mais j'ai peur qu'en faisant un truc comme ça, on se rende compte. Mais qu'est-ce que c'est que ces chiens? Attends, 24 ans d'info en boucle, ça va. Ils savent pas parler, c'est bizarre quand même. Hein. Bon, il y en a encore un petit dernier ou pas? Ouais. Allez. Avant le journal de 6h, un petit coup d'œil, pardon, à vos conditions de circulation. Un petit coup, maman. un petit coup d'œil, ouais, pardon. Une petite couille au réveil, c'est toujours bien. C'est vrai, il est vrai. Je pense que si on faisait l'anniversaire d'énergie, ce serait pas mieux. Notre anniversaire déjà. Il n'y a pas que nous, hein. Je balance pas, mais je me souviens quand même qu'il y a eu le tsunami d'un animateur qui a parlé de tiramisu. Ouais, c'est vrai. Bon. Ah ouais, putain, ça avait fait le tour. C'était ça. Devenu une star hein, sur toutes les radios. Sur toutes les radios, c'était Rousseau qui est sur Chéri FM maintenant. Ouais, pas d'ailleurs. Mais... Non, lui, en plus, il dit la radio, tu sais. Mais bon. Donne l'horaire. 20h minuit. D'ailleurs, il est là. Mais tout le monde le sait. Enfin, Non, pas tout le monde. Mais tu peux dire au revoir à ceux qui vont partir. Oh, tout de suite. Salut-les quand même. Bon, et je vous rappelle que donc hier soir, c'est fini, il y a plus de son encore ou t'en as encore regardé hein? Ah bon, que hier soir nous avions eu en interview, enfin en interview mais en exclusivité, parce que j'ai le bras long, les premières épreuves ouais, du livre de Jacques Chirac, qui sort demain. Qui sort aujourd'hui. Qui est sorti. Qui est dans toutes les bonnes librairies. Là il s'est dit merde, comment je peux me rattraper? Non, mais tu peux pas. Jeudi, là. Vous êtes sûr? Chaque pas doit être un but. On est jeudi. Ah bravo! Ah, c'est il ça alors. Il s'est rattrapé. Oui, et vous êtes quand même bien con parce que ça fait depuis tout à l'heure que je suis en train de dire avec la loi de Murphy qui est sortie aujourd'hui au cinéma alors que sortie hier. Oui, mais on n'a pas voulu te faire remarquer. C'est ça, bande de cons. Donc Jacques Chirac, les premières épreuves, écoutez. cher journal. Tout d'abord, commençons par le commencement. J'ai décidé de t'appeler « Chaque pas doit être un but ». Au départ, ça devait être le titre de la biographie de Raymond Domenech. Mais je crois qu'il a changé. Il y a bien Dominique Strauss-Kahn qui a voulu reprendre le titre. Mais bon, chaque femme doit être une pute. Ça passait mal pour son boudin. Pour son bouquin. Tu sais, journal, depuis que le nain a pris ma place à l'Élysée, je dois t'avouer que je m'ennuie un peu. Enfin bon, heureusement qu'il me reste l'affaire des emplois fictifs. Ça, c'est marrant. Ils ont même pas vu que le plus gros emploi fictif que j'ai créé, c'est quand j'ai joué au président de la République pour mon second mandat. Moi, c'est pour François Fillon que j'ai beaucoup de respect. Parce qu'en matière d'emploi fictif, il est pas mal non plus comme Premier ministre. Je crois que ce qui va me manquer le plus, c'est ce putain de salon de l'agriculture. Parce que c'était comme à la maison. Je tâtais le cul d'une vache et après elle me bouffait le saucisson. Un moment, tu te rappelles? Et quand elle voulait pas, je lui refilais 2-3 pièces jaunes. Crois-moi qu'elle m'ouvrait grand la fente de s'atterrir. Enfin... Il y en a un autre à qui je pense en écrivant ses mémoires. C'est mon petit chien de garde. Je l'ai recueilli, je l'ai nourri, j'étais comme son papa. Il était tout petit, il me protégeait des étrangers. Il aboyait toujours très fort, il faisait peur aux gens. Et puis un jour, je sais pas ce qu'il lui a pris. Il a mordu la main de son maître, l'enfoiré. Il s'est retourné contre moi. Ah, il a de la chance d'avoir été élu président. Sinon, je l'aurais fait piquer. Bon, allez, cher journal, je dois te quitter. Il y a un tournée manège qui commence à la télé. Depuis que Coé a repris l'émission, je peux pas en manquer une. Ça me rappelle que je n'ai pas totalement raté ma vie. Signé Jacques Chirac, dit Jaco. Je ne rajoute pas de PS. Il y a bien longtemps que ça n'intéresse plus personne. Voilà, et donc, c'est vrai, Sandro, qui devait nous faire un résumé, alors, du livre. Oui. N'importe quoi, si. Qu'est-ce que tu racontes ? On en avait parlé hier. Ouais. Ah ouais, t'avais la nuit. Non, bah, je me rappelle, j'ai oublié. Ouais, bah, ça doit être ça le problème. Bah, tu feras pour demain. Bah, c'est pas grave, pour demain. Fais tes devoirs. Bah, et lundi, tu dois faire le QPR, bah, tu vas l'acheter. Ah, ça va te faire bizarre, tu as bossé un peu, là. Et surtout, ça va te faire bizarre d'aller dans une librairie. Une quoi ? Une librairie. Bonjour, mais à quoi ça sert livre, pas le résumé, puisqu'on vient de le faire. C'est pas vraiment c'est un résumé. C'est pas vraiment un résumé. Oh, si, ça passe. Hein, c'est mais bon. J'aimerais bien avoir ton résumé. D'accord. Tes parfait. Impressions, surtout. Elle sur a dit le... d'accord. Hein. C'est vrai. Vous êtes ta vision témoins. Du livre. Bon, on revient dans 3 minutes. Tu ne bougez pas ce soir, avec... Non, c'est gentil, non. Demain, peut-être. Non plus, non. Non, non. Bah écoute, quand on vient, tu me dis, j'y vais. Parfait, très bien. Bon, on revient dans 3 minutes avec le question pour une réponse qui arrive. On parlera aussi de tournée manège et puis le polo show tout à l'heure avant la fin de l'émission. Si les naufragés de l'os devaient écouter une seule émission de radio. Putain, 25 secondes pour parler ou j'appuie sur la gâchette, mon pote. Y a pas de doute. Ce serait celle de Mickaël et sa bande de paumés. Mickaël. 21h minuit. 21h minuit. Les naufragés des ondes. Tous les soirs, entre 21h et minuit, au 612, débuté par Energy sur mickaël.fm aussi. Si vous voulez discuter avec nous, n'hésitez pas. Avec tout à l'heure, petit tour du côté de Tournée Manège, du best-of de Coé. Coé qui nous doit manger. Eh ouais. Oui, il faut le rappeler. Non, mais je le rappelle encore une fois parce que hier j'ai oublié de le faire en fin d'émission. Envoie. Oh, ça va être récupéré, hein, c'est tu veux. Envoie-lui. Putain. Mais Roux, t'as un problème ? Envoie-lui. Envoie-lui. Envoyez-lui. Envoyez-lui des mails à Coé pour qu'on bouffe. Envoie-lui. Il faut le récupérer. Attends, je vais envoyer-lui. Ah, là, ça marche. Essaye, envoie-lui maintenant. Envoie-lui. Voilà. Envoyez-lui. C'est difficile. T'arrives pas. Envoyez, tu dis envoyez-lui. Fais envoyez-lui encore. Envoyez. T'as un problème, Roux. Envoyez-lui encore. Oui, voilà, sur encore, on bute encore un peu, mais c'est pas encore. Envoyez-lui encore. Vas-y, recommence. Envoyez-lui encore. Envoyez-lui. Allez, maintenant, j'arrive pas. Maintenant, tu le dis vite 5 fois de suite. Envoyez-lui encore. Ouais, c'est foutu. Hein. Envoyez-lui. Voilà, c'est bien. Oh, bravo, après 17 fois, on est arrivé à ce qu'on voulait. C'est bien. Bon, allez, on va jouer aux questions pour une réponse maintenant avec Johan qui est là et Mathieu. Bonsoir, les gars. Salut, Michel. Ça va bien ? Ouais, ça va, ouais. Ça va. Bon, bah, tant mieux. Soyez les bienvenus, Johan. T'appelles du 34 ? Ouais, c'est ça. Et Mathieu t'appelle du 22. Nous allons jouer aux questions pour une réponse. Non ? Ah bon. Bonsoir à tous, installez-vous confortablement. Voici le rendez-vous incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse. Attention, ça va commencer. On monte le son. Score à zéro. Bon, avec qui tu veux jouer, Johan ? Tout le monde sauf Sandro. J'ai pas eu le temps. Non, elle avait son téléphone sous la table. Je te jure, Pablo, j'ai pas eu le temps. Qui a passé la soirée à côté de moi, comme par hasard, n'est plus là. Il donne plus de réponses, il veut plus. Et c'est lui qui a écrit les questions, tu joues pas. Bon, Johan. Top. Parfait. Très très bon choix. Bien joué, bravo. Très bien. De l'autre côté, Mathieu, tu veux jouer avec qui ? Avec Roux. Avec Larousse. T'inquiète, on va gagner. Choix. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Oui, c'est assez dommage. Bon, on va y aller. Donc, Johan, t'as décidé de jouer avec Toff et Mathieu, tu as décidé de jouer avec quoi ? Non, il a pas décidé de jouer avec Toff. Pas grave. Quoi ? C'était avec Sandro, non, avant ? Ah oui, mais comme elle a triché. Ah oui. J'ai même pas triché, c'est ouf. Eh ben, c'est pour toutes les fois où t'as triché que j'ai pas vu. Ah. Bon, des situations peuvent parfois mener à certaines dérives. C'est vrai. Micha, là-bas. Là-bas. Mais on triche pas, nous. Micha, là-bas. Quoi, vous trichez ? Arrêtez, les gars. Micha. Jamais avec Mais non, tu vois, c'est ça qui m'énerve. C'est comment, moi, je l'avoue, des fois. Mais nous, on triche jamais avec Laurent. Là-bas. Le stagiaire, là-bas on aussi. On roule à vous à moitié. On fait un package, Toff, là-bas, tous les deux. Oh, c'est fatigant, j'en peux plus. Tous les soirs, on perd 10 minutes à vous faire déplacer. Et si vous aviez rien à vous reprocher, vous diriez, ok, je me lève, j'y vais. Oh là là. Non. J'ai l'impression d'entendre ma maîtresse. Micha, assis, et qu'on ne te voit plus. Assis. Comme les et lève la patte. Non, assis ici. Assis là. C'est pas possible, quoi. Là. Voilà. On y va. Bon, vous êtes prêts ? On continue avec un match viril. Ah, ça, c'est sûr, effectivement. Bon, Johan, donc tu joues avec Toff et Mathieu, tu joues avec Leroux, d'accord ? Ouais. Attention, vous êtes prêts ? Ouais. Ok. Attention. Top, je suis un mammifère ongulé, j'existe depuis des milliers d'années, mais malheureusement ma durée de vie est de 25 à 30 ans. Des siècles durant, je fus un animal de guerre et de transport au service des hommes qui permirent l'essor du commerce, Johan, et la naissance de civilisation. Oui, Johan. Le cheval. Le cheval, bonne réponse. Je suis considéré comme la plus noble conquête de l'homme, présent dans les mythes, les légendes, nombre d'encyclopédies spécialisées. Quoi ? T'arrives encore à tricher alors que tu joues pas. C'est dingue. Roux, tu peux parler toi. Jack, non, tu vois bien que c'était pas un âne mais un cheval. Je suis sans aucun doute celui qui a le plus marqué l'histoire et les progrès de l'humanité. On m'utilise quand on veut parler des dents de Ronaldinho ou quand Sandro met des culottes. Je suis très voyant pourtant. Sous le capot d'une voiture, nous sommes des centaines et vous ne nous voyez pas. Une chaîne du câble m'est consacrée chaque jour pour les courses que je fais. Je rapporte énormément d'argent et je coûte aussi très très cher. Je suis un cheval. Deuxième question, vous êtes prêts ? Prêt. Ouais. Jack, t'es prêt ? 1-0 pour l'instant pour Johan, c'est ça, Johan, ouais, qui joue avec Toff. Très bien, on y va. Deuxième question, attention. Non mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais tout le temps là ? Bah devine, il te prend pour un con comme oui, tous les jours. Oui, je sais. Ouais. Non, c'est toi la reine pour ça. Ouais, enfin, vous allez bien ensemble. Ouais, bon. C'est vrai. Top, je suis né le 17 janvier 1899 à New York, dans le quartier de Brooklyn, et je suis mort le 25 janvier 1947 à Palm Island, en Floride. Oui, Johan. Martin Luther King. Non. Et je suis d'origine napolitaine, j'ai été un personnage emblématique de l'essor du crime. Roux ? Non, je vais pas dire Roux. Oui. Roux, ouais. Oui, Al Capone. Bonne réponse. Non, j'ai pas triché. Il n'y a pas 10 000 mafieux aux États-Unis. Enfin, j'en connais pas 10 000 en tout cas. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, du crime organisé dans les États-Unis, dans les États-Unis, de la prohibition, j'ai contribué à donner à Chicago sa triste réputation de ville sans foi ni loi. Pourtant, je commence comme caissier dans une épicerie, puis ouvre mon salon de barbier. Mais tous ces métiers étaient tellement chiants que j'ai eu envie de foutre le bordel. Je suis le criminel le plus célèbre du monde et c'est grâce à moi que le nom des incorruptibles, est né. Malheureusement, mon périple va s'achever bien vite puisque je suis condamné pour trafic d'alcool ou encore fraude fiscale et je suis emprisonné dans la célèbre prison d'Alcatraz. Mon vrai nom est Alphonse Gabriel Caponi et je suis donc Al Capone. Dernière question, vous êtes prêts ? Ouais, prêt. Ouais, allez, Toff. un partout. Attention. Top, je peux être unique et généralement on a besoin de moi pour n'importe quoi. Je suis très utile, voire indispensable pour les filles. Comme au tennis, j'y suis plein de revers. On m'utilise top. Souvent de... La raquette? Non. On m'utilise souvent pour transporter des documents et on m'appelle. Et on m'appelle, Johan, pardon. Johan. Oui, Johan, Johan. Une pochette? Non. Roux. Une ceinture? Non. De service quand un maître d'hôtel me met à son bras dans les restaurants. Roux. Une serviette. Bonne réponse. Je suis le sauveur d'une personne qui a mangé une mousse au chocolat ou encore une salade. Je peux être de tissu ou encore de papier, mais je peux être aussi carré, ronde ou rectangle. Je déteste quand le roux ou tof se servent de moi car il pue et c'est souvent encore crade. Je sers à essuyer les gens quand ils se lavent. Vous me verrez souvent quand on prend un train, quand on va à la plage. Je suis la serviette. C'est gagné. Un bain, pas un train, un bain. D'accord. C'est pour ça que j'ai hésité sur la fin. J'étais en train de réfléchir à ce que j'avais dit, mais pourquoi je dis... Pourquoi on prend une serviette quand on prend un train? Tu peux répéter le début pas. Juste non, parce qu'il dit que c'est unique. Pourquoi une serviette est unique? Pour les filles, elle est... Une serviette hygiénique. Ah ouais. Ah ouais, mais ça, le roux, il connaît pas. C'est bien, hein. Oh là là, il s'est pillé, il s'est pillé. Non, mais elle pourrait remettre deux fois la même, elle ferait l'économie. Parce que si le roux, c'est ça, si le roux avait été une meuf, il ferait deux mois avec les mêmes. Hein. Non, pas deux mois. Peut-être pas quand même. Ah si, tu passer à autre chose là. Je ferais une fois, et puis le lendemain, je la retournerai. Bon, Micha, retourne au travail. Mais retourne au travail. Oh là là. Bon, du coup, qui a gagné? Je sais plus. Mathieu qui jouait avec le roux. Bravo à toi, ouais. Mathieu. Merci. Et puis bah, Johan, pas de regret. De toute façon, t'aurais perdu avec Sandro, donc. Non, non, j'avais la dernière, je l'avais. Non, t'avais les trois. Oui, les deux autres. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, Jack m'en aurait soufflé une, forcément. Oui, bah, bien sûr. Ouais, comme il d'hab. A fait pour roux. Bon, Mathieu, tu veux repartir avec quoi? Il y a lecteur DVD portable, caméra numérique ou alors lecteur multimédia Dynalec Music Touch. Le dernier que t'as dit. C'est quoi? Entendu. Ah, tu veux le dernier, mais c'est pas ce que c'est. J'ai pas entendu. Un lecteur multimédia Dynalec Music Touch. Ouais, voilà. Très bien. Bon, on va t'envoyer ça, d'accord? Merci. Salut à toi, à bientôt. Salut. Et ciao, Johan. Et retour du question pour une réponse lundi à partir de 21h, puisque demain nous irons chez Jean-Claude. Merci d'avoir joué avec nous et à bientôt pour une nouvelle partie de questions pour une réponse. Voilà, dans un instant on se mettra le son qu'on avait promis hier à une auditrice, c'était Madina Lake avec Pandora. Et puis on parlera de tournée manège aussi dans quelques instants. Et puis il y aura aussi Lily Allen avec Fuck you. Bouge pas. Sandro va déguster son sushi coco Nutella. Je suis moins fort dans le bouc que l'eau de. Au pire, ça va vous désinfecter. Et Mickaël revient juste après ça. Le son de Lily Allen à l'instant, c'était Fuck You sur Énergie. Tof. Ah ouais, ouais. C'est à foutre. Il faut le temps qu'il arrive. Hein. Voilà. Mais non, mais en plus, c'est pour toi. Je suis en train de chercher les résultats des MTV Europe Music Awards. Je m'en branle, moi. Pas du tout compris. À quelle cérémonie tu parles là, parce que c'est pas grave, une cérémonie sur MTV qui avait lieu ce soir. MTV Music Awards. Non, c'est pas ça, c'est Europe Music Awards. Ah, oui, il y avait Orelsan et je voulais voir s'il avait gagné. Très bien. Bon, allez, petit best-of maintenant, ça me fait plaisir, c'est pour moi. Ah bah non, j'aurais bien voulu, mais malheureusement. T'as voulu me vanner, je suis sûr que c'était pour moi en plus. Envoie. Oh, ça va être récupéré, hein, c'est tu veux. Ça a beaucoup moins de gueule que toi. Envoyez-lui des mails à Koé pour qu'on bouffe. Envoyez-lui. Il faut le récupérer. Non, je vais envoyer lui. Ah, là, ça marche. Voilà, après, essaye, ça va. Envoie-lui maintenant. Envoie-lui. Voilà. Envoyez-lui. Il avait du mal alors, ouais, quelques instants. Ça va mieux là, maintenant il joue. Il a pas de voiture, alors il joue un jeu vidéo de voiture. Non, va, de jet ski. Ah, de jet alors ski. Que j'en ai un, jet ski. Donc. D'accord, ok, très bien. Bon, allez, on va parler de. Ah, tu de... dis rien là, par contre. Non, mais moi je suis non, là, je suis au taquet moi. Ah, ouais, c'est ça. Les pieds sur la chaise. Les pieds sur la chaise, il joue un jeu vidéo. Tu veux qu'on fasse du vent aussi, c'est bon. Vas-y. Demande à Mike, il va t'en faire. Oh là là là. Quoi, il l'embrasse? Non. Bon, tournée manège. Ouais. On va y aller peut-être, hein, c'est peut-être une bonne idée. Donc, dans tournée manège aujourd'hui, nos célibataires sont Karine, Catherine et Valérie du côté des femmes, Didier et Thierry du côté des hommes. Et avant de commencer à jouer, Koé demande à Thierry s'il est un peu tendu. Et donc, Koé en profite pour saluer un de ses amis. Un peu contracté quand même. De où? Que je vous descende un peu. De où vous êtes contracté? C'est tendu, hein. C'est tendu, tout ça. Oh, c'est tendu. On dirait un jeu d'Arthur, vous vous souvenez? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Je vous détendre. On va appeler le banquier, bougez pas. Oh, Koé, ça allait un peu mieux là. Oh, ça va, il a pas été méchant. Bien, non, c'est cas. Vrai. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Ah, si. Oui. Qu'est-ce qu'il imite bien? Bon, Valérie demande à Didier donc ce qu'il aime comme voiture. Oui. Si tu achètes une voiture, elle sera plutôt sport, hein, ou une voiture normale, ou une voiture de kéké. Et le mec va répondre naturellement, une voiture de kéké. Mais évidemment. Et donc Koé veut un complément d'information sur la voiture de kéké. Donc il va raconter une histoire, mais quelque chose le dérange quand même, hein. Attendez, entendons-nous sur le modèle de la voiture de kéké. La voiture de kéké, qu'est-ce qu'une voiture de kéké pour vous? Une voiture un peu tuning ou un truc. Ah, comme le ça. Tuning, ouais. C'est les voitures mais de kéké. Non, mais le tuning, quand ça s'arrête joliment, ça peut être joli, non? Moi j'ai vu la dernière fois un reportage où le gars, je sais pas si vous avez vu, il a fait une voiture tuning. Et, d'ailleurs j'ai pas fini, vous voyez les gens en train. Il a pas commencé à raconter son histoire qu'il est déjà en train de se marrer l'autre. Ah voilà. Merci parce que j'avais pas compris. Ah bon? Ah c'était ça alors qu'il y avait. T'es un peu con alors, hein. On va passer à la question qui balance. Allez. Ah on va balancer. Eh bah c'est parti. À quel monstre célèbre ressemble votre voisin? On écoute donc les réponses de Didier et de Thierry. Ça peut être un monstre connu, un monstre de dessin animé? Ouais, bah je veux dire, un truc sympa quand même. C'est vrai qu'il a un peu la morphologie de Shrek. Ah ouais. Vous avez raison de mettre le sympa avant, vous avez raison. Thierry. Moi également, je serais sympa. Hein. Moi j'irais l'incroyable tu sympa, Hulk, toi. Le bonhomme vert. L'incroyable Hulk. L'incroyable Hulk, ouais, c'est Hulk à la base. Bon, enfin, c'est pas très grave. Bon, ils ont pas été très violents, hein. Roux, à quel monstre célèbre ressemble ton voisin? Et sois violent, hein, plus que la dernière fois. Hein. Oui, bah, tu ressembles à... Je sais pas, moi, je connais pas les monstres. Je suis pas très monstre dans la vie, moi. Ah, c'est dommage. Je sais pas, je passe mon tour. Alf. Non, on l'a déjà dit, Alf. C'est pas un monstre. En plus. Bon, il mange des chats. Oui, mais c'est pas un monstre. Qui n'a jamais mangé de chat? C'est ça, parce que je suis sûr que tu ne sais pas. Tu en as déjà mangé chez le chinois. Qu'à Alf. Non, il n'y a pas qu'à Alf, bien sûr que non, il y a d'autres trucs. Oh, un petit mix avec E.T. Un monstre moche. Mais c'est pas un monstre, E.T. non plus. Monstre, c'est juste moche en fait. Il est horrible. Ah oui. D'accord, ouais. Bon, très bien. Ok, Alf, alors, Tof, Sandro. J'ai pas dit Alf. Bah, t'as dit quoi? J'ai rien dit. Non, il y a Alf. On parlait des chats, bouffeurs de chats et tout ça. Bah, alors vas-y, dis. Non, mais je sais pas. Je sais pas. Alors, c'est comme ça, t'as plus d'imagination. Non, franchement, je suis pas très monstre dans la vie. Non, je sais pas. Tant pis, Tof, Sandro. La princesse dans Shrek. Ouais, voilà, c'est pour dire ça, je préfère rien dire. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. T'as envie de te la faire, soit en fait, la... ça. Bah non, elle est horrible, la princesse dans Shrek. Vous avez pas compris, hein. Elle est vraiment moche. C'est vrai, oui, c'est pardon, Fiona. Autant pour non, moi. Non, à la base, elle est méga bonne. Ouais, à la base, ouais. Non, mais dans le 2, dans le 2. D'accord, oui, dans le 2 et dans le 3. Il y a la Schtroumpfette aussi. Mais je crois qu'ils en font un autre, hein, parce qu'il y a Justin Timberlake et Cameron Diaz qui sont retournés en studio pour faire du doublage. Et on sait pas s'ils ont enregistré au même moment, comme c'est son ex. Bon, sans gros pour Jack. Bah, Casimir. Ah oui, mais tu l'avais déjà dit, hein, autre chose. Bah, je sais pas. Tiens, cherche un monstre. Un monstre qui a pas de dents, je vois pas. Hein. Persifleur. Le persifleur, alors. Le persifleur. L'AB. C'est un serpent. C'est pas un père. Il s'appelle persifleur. Et pas persifleur. C'est le père et il siffle tout le temps. C'est un... Ah là, qu'est-ce que je suis drôle, sans le vouloir. Bon, Jack pour Micha. Ouais. Bah, il y a que les Belges et les gens du nord de la France qui vont comprendre, les autres iront sur internet, le père Fouettard. Le père. Celui qui accompagne Saint-Nicolas. Si, voilà. On le connaît, c'est le connard qui, hein, ah, qui oui, frappe oui. Les enfants. Voilà. Oui, non, mais le père Fouettard, on n'est pas belge, mais on est pas con. Ouais, je savais pas. Bah écoute, ça reste à voir. Fouettard, le père Fouettard. Oui. Bah, celui qui pue, on s'en doute. Ouais, on sait jamais. Bon, Micha pour moi. Oui, toujours pareil, j'ai toujours l'impression que c'est toujours la même question, mais je vais répondre. Oh, ouais. Non, mais attends, c'est sur Alice quand même. Bah, tu sais quoi, on te demande rien. Merci. Bon. Eh ben parfait, c'était très bien. Parfait. C'était la meilleure chose. C'est la meilleure intervention de Micha depuis qu'il est là. La meilleure intervention de Micha. Et la nôtre. Pas que la sienne. Hein. Ouais, c'est vrai aussi. On a fait un beau tour de table. On a fait un beau pot pourri là ce soir. Ça, le problème, c'est que Sandro a faim, donc elle est chiante, elle a faim, elle pense qu'à bouffer. Bah ouais, j'ai faim, j'ai la dalle, j'ai pas mangé. Oh là là. Bah ouais, bah quand j'ai pas mangé, je suis le mauvais poil. Quand elle a pas mangé. Va prendre un Kit Kat. Non, je veux un vrai repas. Oh là là là là. Un plateau de fruits de mer. Ouais, c'est ça. Bah vas-y, toi, paye-lui un plateau de fruits de mer. C'est franchement. Je sais qu'il allait faire sa vanne pourrie. Bon, très bien. Et le roux, eh ben, je vais faire comme lui. Bah, je sais pas. Ouais, bah oui, eh ben, j'ai pas d'imagination. Ah, on sait pas, on sait rien. Non, j'avais une bonne idée, mais je le garderai pour la prochaine fois. C'est tout. Voilà, c'est aussi simple. Mais là, dans une boîte, et conserve-la bien. Bon, et Didier qui doit éliminer donc une des candidates, et donc elles doivent se vendre pour pouvoir continuer l'aventure. Et Valérie a des arguments en béton. Il ne doit pas vous éliminer, vous avez 10 secondes parce que c'est parti. Alors surtout, tu ne dois pas m'éliminer parce que je le vaux bien déjà. Et... Oh là là, parce que je le vaux bien. Je le vaux bien. Ça raconte. C'est, je te confirme. Bon, allez, c'est terminé pour tourner manège. Karine et Didier ne repartiront pas ensemble. Oh. Et oui, c'est triste, mais c'est aussi ça, tourner manège. Oh. C'est surtout ça, j'ai l'impression. Ce n'est pas. Oui, c'est vrai que ça arrive souvent quand même, hein, qu'ils repartent pas ensemble. Hein, mais... Ça marche jamais en ce moment. Non, c'est vrai que c'est un peu. Lundi, ouais. Lundi, ils sont repartis ensemble ? Ouais. Ah oui, une fois, ouais. C'est pas mal déjà. Ça faisait longtemps. Ça faisait un petit temps, ouais. Ça faisait un petit temps. Bon, et bah très bien, on reparlera de tourner manège demain. Et comme on est en fin d'émission, je rappelle que Koé doit nous payer à bouffer. Un repas. C'est ce qu'il a dit lundi quand il est passé. Pour toute l'équipe. Oui, enfin, surtout pour moi après. Non, pour les 5 principaux. Ouais, c'est bien. Les 5 de l'antenne. Ouais. Et on ramènera les restes aux autres. Exactement. Aux chiens. Voilà. Tout à fait, voilà. Bon, on va se faire le son que j'avais promis hier à une auditrice là. Enfin, elle m'a demandé et grâce à toi, j'ai pas oublié, sinon je vous le dis direct, j'avais oublié. Madina Lake qu'on écoute tout de suite avec Le live. Non, la version studio. C'est pas mal le live. Oui, mais on va mettre la version studio. C'est pas mal. C'est j'ai été bien le live. Bah, tu l'écouteras dans la voiture. Non, mais c'est trop tard. Jack, il est plus surpris là. Allez, Pandora sur Energy. Ah putain, j'avais le live. C'est quoi cool. Oui, bah, c'est pas grave, je vais écouter l'autre. Non, bah du coup, il faut le remettre là. Mais non, j'ai parlé dessus là. Voilà. Voilà le son de Madina Lake à l'instant. C'était Pandora sur Energy. Son que vous aviez découvert dans l'émission il y a 2-3 ans, un truc comme ça. On les avait reçus aussi dans l'émission d'ailleurs. C'était juste une tuerie puisqu'ils avaient chanté en live. Mais quand j'ai chanté en live, c'est tout. Avec batterie, avec. C'était pas de l'acoustique quoi. Guitare électrique, la basse, tout le bordel. D'ailleurs, vous pouvez réécouter ça sur mikl.fm. C'est ce qu'on appelle du full live. C'est ce qu'on appelle du full live. Pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un full live, c'est ça. Tout à fait. Bon, le polo show. On y va. C'est ce qu'on appelle de la grosse merde. Du pas, bien du sûr, full c'est, merde. C'est donc ça. Ouais. Allez, hello, you're listening to the Polo Show, the show with Paramore. Call in and have fun. I thought he said call in and have fun. Et bienvenue dans le Polo Show, j'espère que tout le monde va bien. J'adore la voix de cette fille, elle m'excite au plus profond de mon être. Et vous savez, hier j'ai fait une petite, je sais pas si c'est une vanne, ou j'ai expliqué que le Polo Show portait bonheur. J'ai reçu un mail de Manon qui me dit, je lis hein, bien sûr, le public est là ce soir ? Plus fort le public, plus fort ! C'est un public venu de Belgique spécialement, c'est ça, dit, hein ? Oh là là, dédicace et tout, tout est là, ça fait plaisir, mon standard est rempli à ras bord, Michel est au standard, le stagiaire avec la tête de fenouil est là, que voilà, tout le monde est là, mon réa est là, mon stagiaire SMS est là. Donc je lis le mail de Malon. Salut Polo, hier soir tu as dit que le Polo Show était un porte-bonheur. Étant donné que j'avais une horrible journée à passer, j'ai voulu vérifier ta théorie. Je me suis donc marqué Polo Show sur mon bras, car j'ai eu que ça à faire en cours. Et eh ben tu sais quoi, Polo, ça a marché, voilà. Le Polo Show porte vraiment bonheur. Voilà, bonne soirée, bisous. PS, c'est officiel, monsieur, devient célèbre grâce au Polo Show, car en chopant son tic du « et je l'ai repassé aux autres. Voilà, on va passer au vrai Polo Show, à ce qui vous intéresse tous, c'est-à-dire des auditeurs. Allô, qui est là ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, allô ? Ah, allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, copain. Allô ? Oui, copain. Bon, vas-y, qui es-tu ? Copain. Le copain de tous les amis. Qui es-tu ? Si tu as besoin d'un bon, copain. Bon, vas-y, qui es-tu ? Je ne veux pas être ton ami, je veux savoir qui tu es, ce que tu veux et pourquoi tu es venu dans le Polo Show. Je suis copain. On me loue comme copain. Bon, un peu de pub et on retrouve copain juste après. Aujourd'hui, le cannabis s'est banalisé. Les joints circulent en soirée, au boulot, à l'école et même chez moi. On se dit, ce n'est pas grave. En fait, non, ce n'est pas grave. Car ce n'est pas parce qu'il s'est banalisé qu'il doit être plus cher. Le cannabis attaque notre cerveau. Oh, il pleut des schtroumpfs. Diminue nos capacités d'attention ou de mémoire. Et surtout de... Oh, je m'en rappelle plus. Alors, fermons les yeux. Sinon, la fumée, ça pique. Pour connaître les risques liés aux drogues et les aides disponibles, appelez-moi, j'ai tout ce qu'il faut. Appel gratuit depuis une cabine. Évidemment, c'est un numéro vert. C'était un message du ministère de l'Agriculture. Bonjour, c'est Deck. Je suis Branco. Christian. Thomas du groupe Phoenix et vous écoutez le De retour dans le Polo Show, quand je vous disais que les stars du monde entier viennent dans le Polo Show, c'était pas une légende. Le public est là ? Fais-moi plaisir, pourriture de public, ordurier, moisi, pourri, plus fort ! On n'est pas en Belgique ici ! Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont mauvais ! Michel ! Il est où mon vrai public ? Ah bah voilà ! Eh Polo, t'es à bon, hein ! Bon, Germaine, tu vas fermer ce micro, espèce de sale vieille. Fais vite ! Germaine, pilier de bistrot de son état. Ça mérite ! 45 ans. Ça mérite ! D'accord. Germaine. Eh bon, Germaine, ferme le micro. Eh on revient avec le... Comment il s'appelle, là ? Copain ? Copain. Bon, comment t'expliques ? Quel est ton prénom ? Copain. Non, ton prénom, allez, oh là là. Copain. C'est quoi ton prénom ? Copain. Bon, je vais t'obliger de te raccrocher au nez. Mais c'est quoi le problème ? Il n'y a pas de problème, je te... Mais non, tu peux pas t'appeler copain, t'es pas un lapin. Eh ben moi j'avais bien un mec qui s'appelle Polo. Bon. Polo, c'est pas normal. Soit tu te dénonces. Soit tu te dénonces, soit je te raccroche au nez tout de suite. Vite. Bon allez, casse-toi. Oh là là. Un autre auditeur, qui est là, je vous prie. Monsieur, j'ai un cadeau pour vous. Regarde. Vous êtes prêt? Oui, Polo. Hop là, c'est cadeau. C'est sympa, monsieur, non? Non, j'en ai marre, Polo. Qu'est-ce qui se passe, monsieur A? Moi, je veux plus appeler. Je veux plus appeler au Polo Show. Pourquoi? Parce que tu me parles mal, Polo. Je ne parle pas, monsieur A, je vous parle pas mal. C'est vous qui avez cette habitude de dire « Eh, et ça me gêne. Polo. Tu vois, c'est ça qui me bloque. C'est ça qui m'énerve, c'est ça qui me stresse. Tu comprends? Monsieur A. Monsieur A. Allez sur les autres radios, voir s'ils vont vous accepter. Allez-y. Allez. Allez sur le web, voir si vous vous acceptez. Allez-y, monsieur Web. Allez faire un tour. Monsieur Web. Mais non, mais monsieur Web. Monsieur Web. Monsieur A. Oui. Il est là, Michael. Non, il est pas là, Michael. Vas-y, qu'est-ce que tu veux? Je voulais parler à Il est pas là. Oh là là, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux? Polo, ça a sonné aujourd'hui à la porte. Je sais, ça fait 4 ans que ça a sonné à la porte, ça fait 4 ans que tu essayes de voir derrière ce qu'il y a, ça fait 4 ans que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière, donc à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Soit voir un médecin pour te faire soigner, soit ouvrir cette putain de porte. Polo, aujourd'hui, derrière la porte, il y a quelqu'un qui veut m'inviter à déjeuner de ma vie. Ouais, bon. Ouais. Ta gueule. Je t'emmerde. Monsieur A, vous savez que je vais pas passer l'émission d'aujourd'hui à écouter vos délires. Donc soit vous en venez au fait, vous expliquez ce que vous voulez, soit je vous raccroche au nez comme tous les jours, monsieur A. Vous savez que je n'ai aucune pitié, surtout quand c'est vous. Monte ta gueule demain, tu vas voir. Je vais me la montrer où, ma gueule? Bon, attends deux secondes, monsieur A. Qui est là? Mon copain. Allô? Copain. Eh les gars, c'est quoi? C'est y a une organisation secrète qui tend à me nuire ou quoi? Est-ce qui que est toi là? Tu veux être mon copain? Qui es-tu? Est-ce que tu veux m'ajouter comme copain? Excusez-moi, c'est Michel, mon standardiste qui fait des siennes. Il est un peu mauvais. Hein. Bon, qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu deviennes mon copain. Je sais plus quoi dire. Entre tous ces goliots là. Bah, dis oui. Non, allez, casse-toi, je te raccroche au nez comme un malpropre. Bon, monsieur, va falloir qu'on. Polo. Michel, calme-toi, attends, Michel. Michel veut te raccrocher au nez, mais. Michel! Michel, arrête de jouer avec le téléphone! Monsieur, je vous écoute. Polo. Oui! Tu sais que. Il est là? Il est pas là! Moi, je voulais parler à Michael. Il est pas là, bon, soit tu. Soit ton. Oh! Roux, t'es dégueulasse! C'est roux qui a roté? Oui, bah oui, qui veux-tu que ce soit? Tu crois que c'est une machine? Monsieur A. Monsieur A. Polo, je peux te faire un big gueule? Attends, Polo Show. Quoi? Un big gueule? Engel. Vas-y, fais-moi un Engel, allez vite, et après je te raccroche. Tu me coûtes pas et tu me laisses faire. Ta gueule roux. Alors. Vas-y, allez-y, monsieur. Oh merde, d'accord. Tu vas me parler correctement, toi. Baisse dans ton. Paul Barbu, le gros, tu la fermes. Tu me laisses pas mon jingle pour Eikel. Bon, bah vas-y. Ta gueule. Alors attends, je vais y aller. Ta gueule, roux, espèce de report. N'oublie pas que t'as pissé dans le studio, je te pisse dessus. Allez, dégage. Alors, je commence. Monsieur, vite. Ta gueule. Roux, ta gueule, tu sais pas comment bon, monsieur, je vous raconte. Faites vite. Vite, avant que je m'énerve. Allez, dégage. Allez, casse-toi. Hein, s'achève le polo chaud. On va pas rester là. Garde patience. Le polo chaud va bientôt se terminer. H-5 secondes. Et pour terminer ce polo chaud, tout en bonheur, tout en plaisir, tout en tartiflette et en. Bravo. Roux. Bravo. Le voilà, public. Ça fait rire. C'est... Non, pas le. Pas la deuxième couche du public, la couche pourrie. Non, je veux le vrai public là. C'est maintenant que t'arrives. Allez, casse-toi. Merci au public belge d'être venu me voir ce soir. Bravo. Ah, ils savent mettre la fête, hein, les Belges. Ils savent mettre la fête. Ils savent. Bah, c'est comme ça que vous parlez là-bas, dit. Non. Non, bon, j'ai rien dit. Très bien. Le polo show est terminé. Parfait. Je vais y aller. Il est temps de partir. C'est une sacrée tranche de rire, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. On s'est bien poilé la gueule, hein. C'est ça. Allez, Laurent, au revoir. Allez, ça va. On dirait, on se croit dans Star Trek. Il y a un vaisseau spatial. Bon, dans un instant, c'est l'ardif du 6-9 avec Nikos. Ça va, Nikos? Nikos? Salut, les loups. Il est bizarre, Nikos. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive, Nikos? C'est pas comme d'habitude. Il est seul, en fait, c'est pour ça. Parce que j'essaye de faire le belge aussi, alors. Ah ouais, c'est difficile. Salut, les loups. Ouais, c'est ça, ouais, ça marche moins bien, évidemment. Hein. Bon, allez, salut, Nikos. Bon, dans un instant, la rediff donc, de 6-9, comme je le disais. Et puis, pour se quitter, on va se mettre un groupe que vous aviez découvert dans l'émission et qui vont pas tarder à passer nous voir dans l'émission pour jouer en live également. C'est le son de Destein avec In Your Arms. Donnez votre avis, vous aimez, vous n'aimez pas, vous nous dites. Ça se passe sur amical.fm ou alors au 612, débutez votre message par énergie. Passez une bonne nuit tout le monde, on se retrouve demain 21h pour la dernière de la semaine. Ciao.